Je salue chaque frère et chaque sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue également des frères et des sœurs qui nous suivent à l'Internet. Et aussi, je les salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions notre Dieu pour la journée d'aujourd'hui. C'est pour venir dans sa maison et pour écouter sa parole. Notre vie ne peut pas être agréable sans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça notre paix. C'est ce qui nous donne la protection. Tout enfant de Dieu doit aimer la parole de Dieu. Je crois que vous aussi, vous aimez la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu, c'est une bénédiction. La refuser, c'est une malédiction. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire Mwafalme wa Kwanza. C'est l'écriture que nous avons commencé depuis le mardi. Mwafalme wa Kwanza, sura 17. Verset 8, kisha tutashuka chini. Verset 8 et en bas. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Neno ya Yehova ikaelekea muhimu semo. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Ulamuke wende kule ku Sarepta ile ya Sidoni. Et demeure là. Na upate kukaa kule. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Tazama minamuru muyane moja apate kukulisha. 15. Kuminatano. Elle alla et fit selon la parole d'Elie. Ule mwanamuke akaenda na kufanya kufatana na neno ya Elia. Et pendant longtemps, il eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Elie. Na munda mrefu akapata chakula na jamaa yake pamoja na Elia. La farine qui était dans les pots ne manqua point. Bunga bule murukua mumutungi abukumalizike kamwe. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Elie. Na mafuta ile ilikuwa mchupa haikupunguke kamwe kufuatana na neno ile Yehova alisema kupitia Elia. Mungu Baba, tunakupikia asante. Dieu notre Père, nous te disons merci. Asante sana juu ya siku ya leo. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Wakati yote we Mungu unatukaribisha kando kando ya neno yako. Toutes les fois que toi Dieu tu nous approches autour de ta parole. Au shindwake mambo ya kutuonesha. Tu ne manques pas quoi nous adresser. Wewe ndio ulisema maneno yako. C'est toi qui as dit dans ta parole. L'homme ne vit pas de pain seulement. Mutu ataishi kwa mkate tu. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alakini ataishi kwa neno lote tatoka mkinywa ya Mungu. Shuka mwakati ya asubuhi. Descends ce matin. C'est toi Dieu qui nous connaît mieux. Kama wao tusaidie mu mashiku yetu ya bujima. Si toi tu ne viens pas en aide pendant notre séjour sur la terre. Hakuna mtu mwingine anaweza kutusaidia. Personne d'autre ne pourra nous aider. Mashiku yetu itamalizika tu mubaya. Nos jours s'arrêteront dans les mains. Tutaenda Seigneur kwa mashiku ya giza. Et nous irons aux ténèbres. Wakati tukingali naishi Seigneur. Lorsque nous vivons encore Bwana. Kama tulipata neema kwa macho yako mwikizazi. Si nous avons trouvé grâce devant toi dans cet âge. Upate kujifunua kwetu. Puisses-tu te révéler à nous. Ututoshe Seigneur. Sortez-nous de toute confusion qui se retrouve dans notre vie. Fais-nous de véritables chrétiens. Bénis cette réunion, Bwana. Souviens-toi de chaque frère et chaque soeur. Nous t'abandonnons la conduite de toutes choses. En priant avec foi parce que nous te connaissons. Au nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amina. Tangia mardi tulianza kusemea juu ya sujet. Depuis le mardi on parlait concernant ce sujet. Ni sujet mzuri kwa wale wanapenda sauti ya Mungu. C'est un bon sujet pour ceux là qui aiment la parole de Dieu. Juu tuko nasemea mambo yenye kuya ya msingi ya imani. Nous parlons sur des choses qui concernent la foi. Kila ndugu na kila dada msafari ya imani. Chaque frère et chaque sœur dans la marche de la foi. Anapasha kuya na ile hakikisho ya ule Mungu aliamini. Il doit avoir l'assurance de ce Dieu en qui il a cru. C'est ce qui va vous aider à marcher jusqu'à la fin de ton séjour sur la terre. Si tu manques à avoir cette certitude, c'est-à-dire que tu n'es pas un chrétien ou un croyant. Lorsque quelqu'un croit, la Bible dit, allez partout le monde. Endeni pali pote duniani. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mubiri habari njema kwa watu wote. Celui qui croira, ule ataamini, et qui sera baptisé, na kubatiziwa, sera sauvé. Ataokolewa. Kama mtu anaamini. Lorsqu'une personne croit, anapasha kuokolewa. Certainement il doit être sauvé. Na kama mtu anaokolewa. Et lorsqu'une personne est sauvée, hakuna mtu atamtoshaka wokovu. Il y a personne qui peut lui ravir le salut. Hapana. Non. Hakuna kitu mu maisha yako kinaweza kukutosha ile wokovu. Il n'y a rien dans ta vie qui peut te ravir ce salut. Ikuye magumu, que ça soit des difficultés. Ikuye mangaiko, que ça soit les tourments. Ikuye hata nzambi, que ça soit même les péchés. Haita kutoshaka ile hakikisho. Ça ne peut pas t'enlever cette certitude. Unaweza kukotola sa mtu. Tu peux broncher en tant qu'homme. Mais kama uko mwenye kuokolewa. Mais si tu es déjà sauvé. Ile nzambi au bile shetani anakufikisha kufuanya. Ce que le Satan t'a poussé à faire. Habita kufikisha mkipimo. Ça ne peut pas te pousser à arriver au point. Unaanza kushakia na imani yako kwa sababu unamkuta Mungu. Commencer à douter même ta foi comme en temps. Hapana utafungula ya kusema ni shetani ananyangusha. Tu découvriras seulement que c'est Satan. Na utajikaza kwa mtengeneze ile mambo. Tu vas te forcer pour préparer la chose. Parce que toi tu es un enfant de Dieu. Hakuna namna ubakie mbutumo wa shetani. Moyen de rester dans la servitude de Satan. Mais cette assurance-là, il faut l'avoir. Que Dieu vous bénisse. Na aina mtu atakupatia. Et ce n'est pas une personne qui peut te l'accorder. Aina kanisa itakupa. Ce n'est même pas l'église qui peut te la donner. Aina tama cheo mkanisa itakupa. Ce ne sont même pas des titres dans l'église qui aina peut te donner. Aina takukawia mkanisa kutakupa ile hakikisho. Ce n'est même pas le fait de faire longtemps dans mtu l'église. Mtu moya analetaka ile hakikisho ni paka Mungu. Une seule personne qui peut donner cette assurance c'est Dieu. Na kama anakupa ile hakikisho. Dès qu'il te donne cette assurance. Imani yako itakuwa na mshimamo. Ta foi aura un fondement. Au sakuwa wa kutenka tenka. Tu ne seras pas ballottant. Au sakuwa mtu wa leo na shimama. Tu ne seras pas quelqu'un d'aujourd'hui il se tient debout. Mais kesho unarudia tena kumkongo. Demain il rétrograde encore. Hapana utakuwa mkristo wa bia kweli. Tu seras un véritable chrétien. Na ile hakikisho kila nduku na kila dada. Chaque sœur et chaque frère. Anapasha kuya nayo. Il doit l'avoir. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Ndio ile tulianza kusema tangia mardi. C'est ce qu'on disait depuis mukazi. Kuko vitu vya mingi bile tulisema hakuna namna ya kurudia. Beaucoup de choses que nous avons dit, il n'y a pas moyen d'y retourner. Parce que biko nguvu kurudia kitu pa kitu bile tulisema. C'est difficile de retourner dans chaque étape dans tout ce que nous avons dit. Nduku yangu na dada yangu. Mon frère et ma sœur. Kufuatana na mashiku tuko naishi. Selon les jours dans lesquels nous vivons. Nous vivons tellement dans les jours de la fin. Mambo ya Mungu haipashe kuwa tu mambo ya mkinkunji. La parole de Dieu ne doit pas être une chose du groupe. Haipashe tu kuwa mambo ya mtabernacle. Ça ne doit pas être une chose du tabernacle. Hapana. Non. Tuko naishi mwakati mule. Nous vivons dans un temps. Kila mtu anapasha kujua kile aliamini. Kila mtu. Chacun doit connaître ce qu'il a cru. Pawe peke pale. Seul. Unapasha kuya na ile hakikisho. Tu dois avoir cette assurance. Ya kusema réellement uko mtoto wa Mungu. De dire que réellement tu es un enfant de Dieu. Wewe peke unapasha kuwa na ile hakikisho. Seul tu dois avoir cette certitude. Aina sema ile hakikisho ni mtu atakupa hiyo. Cette assurance, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Kupitia ile neno uliamini. Au travers la parole que tu as. Ile conviction ile Mungu alikupatia. Cette conviction que Dieu t'a donnée. Atamu natembea. Même lorsque tu marches. Uko na kusema sema niko mtoto wa Mungu. Tu sais bien que je suis un enfant de Dieu. C'est vraiment une très bonne chose. Vendredi, on était en train Kenye de dire. Ce qui est mauvais, c'est quoi aujourd'hui? Les gens viennent. Nombreux ne recherchent pas cette nombreux se sont cachés seulement derrière la chaleur de l'église. Bengine, les autres, il est confiance pasteur na bapatia. À cause de la confiance que le pasteur leur accorde. Bengine jutu ya bunduku. Les autres aussi à cause de la fraternité. Jubeko na muita na yese. Parce qu'on l'appelle aussi dada. Beko na muita frère. On l'appelle aussi nduku. Juana kawia sana mukanisa. Parce qu'il a fait longtemps dans l'église. Ao juana galaka mkutumika mumakaji fulane mukanisa. Ou parce qu'il occupe une fonction dans l'église. Ana bakiria tu paka pale. Il s'arrête seulement à ce niveau. Ana simamia paka pale. Il s'arrête jusqu'à ce niveau. Mukivukuto kia kanisa. Dans la chaleur mais de l'église. Mais au fin fond de son cœur. Il sait bien que ce n'est mais pas correct. Mais sa ville, Kanisa. Comme il s'est beaucoup habitué à l'église. Il s'est habitué aux frères et aux sœurs, aux pasteurs. Il croit que. Il est aussi chrétien à cause de toutes ces choses-là. Ça, c'est une séduction. De haut niveau. C'est ce que Satan voudrait, c'est que tu restes ainsi. Mais nous avons dit que du temps de la Bible, des véritables chrétiens, ils ne veulent pas que la parole de Dieu soit comme ils l'ont entendu. Dieu avait fait. Dieu avait fait. Dieu avait fait ceci à terre. Ça, ce n'est pas l'option des chrétiens de la Bible. Des véritables chrétiens du temps de la Bible. Il veut la ce que c'est Dieu qui a agi avec les autres, qu'il soit aussi manifesté dans leur vie. Voilà ce qu'a toujours été le souci de quelqu'un. C'est ça la préoccupation de quelqu'un. S'ils n'ont pas encore fait cela, ils ne peuvent pas rester en paix. Mais les membres d'église, eux, ce qui les réjouit et leur donne la paix, c'est rester seulement dans la chaleur de l'église. Visiter les frères, visiter les sœurs, travailler au caméra. Interpréter les chansons, chanter à la chorale, être mon macaque, ou prêcher, juste ces choses-là. Voilà ce qui calme les esprits. Cela n'est pas donné aux véritables chrétiens. Est-ce que sommes-nous ensemble? Les véritables chrétiens ne se réjouissent pas de cela. Regarde mon frère et ma soeur. Si toutes ces choses-là, à l'église, tu as un bon témoignage devant les frères, devant les sœurs, tu chantes, tu prêches même, tu filmes même, tu interprètes les souliers. Mais si au fin fond de ton cœur, tu n'as pas l'assurance du salut, tout ce que tu fais là comme œuvre, c'est vraiment une œuvre inutile. Ça n'a pas de sens. Tout le sacrifice que tu fais des années pour venir ici, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. C'est la vérité. Nikweli. Aina na bei. Ça n'a pas de prix. Mutoto wa Mungu. Un enfant de Dieu. Anakombaniaka ni akuye mu relation ya bien na Mungu. Lui se bat, c'est pour être dans de bonnes relations avec Dieu. Mungu. Lui, Dieu. Ashikuye tu Mungu wa tabernacle. Qu'il ne soit pas seulement le Dieu du tabernacle. Apan. Non. Akuye Mungu wake. Qu'il soit son Dieu à lui. Na eko na ile hakikisho. Et il a cette assurance. Eko na yua ya kusema. Il sait bien que miye, moi, niko na Mungu. J'ai Dieu. Pa we peke frère. Seul. Il est conviction. C'est ouais, lorsque les gens t'appellent, c'est notre sœur avec qui nous prions ensemble. Tu peux te sentir bien. Celui-ci, il est serviteur de Dieu dans notre église. Tu peux te sentir très bien. Ceux-ci sont des chantres dans notre église. Là, tu peux te réjouir. Ça, ce n'est pas encore grave. Dans ton cœur, là où tu es seul, est-ce que tu te crois être aussi enfant de Dieu? Voilà le problème. C'est la vérité. Nikweli. Seul là, est-ce que tu crois en toi-même que tu es vraiment chrétien? Parce que mbele wewe kuamini Mungu. Avant de croire en Dieu, unapasha mbele kujiamini. Tu dois d'abord te croire en toi-même. Unapasha kuyo kusema niko mkristo. Tu dois savoir que je suis véritablement chrétien. Zamani nilikuwa mpagano. Jadis j'étais païen. Hapa mimi nakuwa mkristo. Maintenant je suis devenu chrétien. Hapa mimi nakuwa mtoto wa Mungu. Maintenant je suis devenu enfant de Dieu. C'est la vérité. Ni kweli. Kama haina vile utaamini je. Si tel n'est pas le cas, comment est-ce que tu peux croire? Kwa mkanisa. Venir dans l'église. Aikalaki alama ya kusema hapa watu wanaamini. Ce n'est pas ça le signe qui me prouve que ces gens ont cru. Frère Frank unasema hivi. Frère Frank dit ceci. Mimi soma mbele kaka. Je vais vous lire un peu cette citation. Message yake moya hivi. Dans ce message intitulé à ma vision 7000. Ah, maono 1007. Page 18, eko nasema hivi. Carta 18, il dit ceci. Anasema hivi. Il dit ceci. Selon la volonté de Dieu. Les hommes ont été destinés dès le commencement à vivre en communion avec lui. C'est la raison pour laquelle, hein, quelle que soit leur race, Aizuru, kabila yabo, wala ou les religions, wala dini yabo, ils ont le désir d'adorer un être suprême. Beko nania ya kuabudu mutu, Mungu wa juu. Tout ressentent en eux-mêmes un besoin inexplicable d'adoration ya kuabudu. Sans égard à la manière dont elle est pratiquée. Bila kuangalia ta munamna ile beko na budu. Si une personne ne trouve pas une chose religieuse, kama mutu ashone kitu kia dini, qu'il puisse adorer. Il adorera alors maman. Une passion. Mawazo. Le sport. Voilà ma sport. Quelques passe-temps favoris. Ah, kiokiote kile kitampendeza. Ou encore une idole. Voilà sanamu. Cette profonde aspiration. Il est kiu ya upana. Que chaque homme, il est kila mutu, riche ou pauvre, mutajiri wala masikini, porte en lui. Qu'il est connu, ne peut être valablement étanché que à qui est ce malisique n'est pas katou par ce qui est divin n'est pas katou na qui le kenye quoi qui a qui mungu njo qui tamalise le kiu mungu a pas de mbari que Dieu vous bénisse. Léo, il comme on a toqué musité à Kambo. Aujourd'hui, si vous promenez dans la cité de Kambo, qui la monte va dans Kanisa ya qui? Chacun va dans son église. Pas la na wewe kona enda Kanisa ya. Comme toi aussi, tu vas dans ton église. Frère Frank, qu'on a sema. Frère Frank dit ceci. Dieu vile mutu aliumbiwa, mutu anapendaka kuabudu. C'est comme ça que l'homme a été créé, il aime adorer. Qui la kiri mitosha kwa nyumba ba mingi ni kuya kuabudu. Ce qui vous a fait sortir de vos maisons, c'est pour venir. Mais qu'on a sema. Mais il dit kule kuabudu kule. Cette adoration là. Akuweze kueneana kamwe. Ne peut pas être tranché. S'il n'y a pas quelque chose de divin qui se retrouve dans cet homme, sommes-nous ensemble? Ça ne peut pas être parfait. C'est pourquoi bah, Christ, je crois mal à des chrétiens. Ah, il n'a pas capable de manenda kukanisa. C'est pas seulement ceux qui fréquentent. Bah, Christ, va bien quoi, n'abo manenda kukanisa. Néanmoins, les véritables chrétiens aussi fréquentent. Mais qui les galaka mku satisfaire maro yabo? Mais ceux qui satisfait leur cœur. Ni il est cage ya kimungu yenyeri fanika maisha yabo. C'est cette œuvre surnaturelle qui s'est opérée dans leur vie. Jo il est n'abasai dia. Voilà ce qui les aide. Kuya mukanisa. Venir à l'église. Munaweza kuyala chemeski. On pouvait venir nombreux. C'est la vérité. Nikoeli. Mais batu ba mingi abaabudu Mungu wa kweli. Mais beaucoup de gens n'adorent pas les ba mingi banakuya jo akogopa kasirani ya Mungu. Nombreux sont venus par crainte de la colère de Dieu. Bengine banakuya tu ju ni kanisa yetu. Sont venus seulement parce que c'est notre église. Mais il faut pas kitu kia kimungu. Mais il faudrait quelque chose de il divin. Faut Mungu akuya atumike mu maisha yako. Il faut que Dieu puisse venir œuvrer dans ta vie. Ce n'est pas moi qui te donnera l'assurance. Aïna ta pasteur Ngoindai. Ce n'est même pas notre pasteur Ngoindai. Ce n'est même pas notre ancien Joseph. Ce n'est pas quoi que ce soit qui va te donner cette assurance. Il faut que les dieux du ciel, lorsqu'il vient œuvrer dans ta vie, ta frère ou ma soeur, wepa, wepeke, seul là où tu es, sans tous ces gens de l'église, à ce moment-là, tu auras cette assurance. Tu auras cette assurance. Il n'y a personne qui peut t'ôter cette assurance. Oh, frère, on nous t'avons vu lorsque tu as menti. J'ai menti. Oh, Bwana. Il va réparer. Tu ne peux pas lui ôter le salut. Sommes-nous ensemble? Oh, j'étais vu, tu m'as répondu avec arrogance. C'est vrai, ma soeur, pardonne-moi. Oh, Dieu, pardonne-moi. Tu ne peux pas lui ôter le salut. Au fin fond de son cœur, il a quelque chose qu'on ne peut pas lui ôter, lui ravir. On ne peut pas le ravir par les péchés. On ne peut pas l'ôter par des difficultés. Non. Il est hari, frère. Mais c'est il est hari, frère. C'est ce n'est pas le prédicateur qui peut te les donner. Ce n'est même pas l'église qui peut t'octroyer. Ce ne sont pas les titres dans l'église qui peuvent t'octroyer. Ce n'est même pas le fait de faire longtemps dans l'église qui peut t'octroyer. Il faut que les dieux du ciel viennent, qu'il agrée ta foi. C'est alors que tu recevras aussi la chose là. C'est la vérité. Nikweli. C'est pourquoi on a Christ. C'est pourquoi vous verrez les chrétiens. Ce sont des gens qui vivent. Leur façon de vivre est vraiment spéciale, différente. Un véritable chrétien, il ne peut pas supporter vivre le péché pendant longtemps. Sommes-nous ensemble? Impossible. C'est pratiquement impossible. Frère Branham disait quelque chose. Mon message intitulé L'agneau et la colombe. Dans un message intitulé Mwana Kondo. Asema ule kolombe njiwa. Ule jiwa. Asema ni ndege moya wa kipeke. C'est vraiment un oiseau particulier, très spécial. Kuko bintu bile ule njiwa. Il y a des choses que cette colombe abiweze kurezister mumili yake. Ne peut pas résister dans son corps. Kama na bikuri abitamu empoisonne. Dès qu'il les mange, ça va les tuer. Ashikuri yake biakuri abiyote. Il ne mange pas n'importe quel animal. Pourquoi? Parce que ni mwenye kutungwa. Parce qu'il est conçu. Munanga ya kuachana na baba ndeke bote. De manière différente aux autres. Mukristu na ye ni paka vile. Un chrétien, il en est aussi de même avec lui. Vile Mungu achakumutunga. La manière dont Dieu l'a conçu. Anashindwa kuchunga bubaya. Longtemps. Il a du mal à garder les péchés pendant longtemps, Moudamrefou. Achita weza, frère. Il ne peut pas. C'est que kubaya ataweza kubufuanya. Bien sûr, il peut commettre un péché. Mukristo wa biakwera anaweza kufanya dhambi. Il peut parvenir à péché. Mais kuchunga longtemps, c'est impossible. Garder les péchés pendant longtemps, quoi que aiwezekane, c'est impossible pour lui. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? C'est que Mukristo achita weza. Un chrétien ne pourra pas, il ne saura pas. Tu fais longtemps avec les péchés pendant 10 ans. Mais tu es seulement membre de l'église. Quand est-ce que tu as été sauvé? Où est-ce que tu as été sauvé? Où est-ce que Dieu t'a tiré? Tu fais depuis mariage. Depuis que tu t'es marié. Tu as un péché condamné. Jusqu'à aujourd'hui. Malgré cela, tu continues à adorer. Tu es menteur. C'est faux ce que tu fais. Est-ce que je dis qu'un chrétien ne peut pas commettre le péché? Lisez du temps de la Bible. Les chrétiens étaient déjà même des prophètes c'est impossible. Mais faire longtemps avec les péchés, c'est la vérité. Nikweli. Tu gardes les péchés mieux ici. Irané. Miakakumi. Mais où tabernacle? Tu es toujours au tabernacle toi aussi. Non, Ndoku. Il faut te dire la vérité. Il faut qu'on te dise la vérité. Dans ta conscience, la toi-même, tu sais bien que tu n'es pas un chrétien. Tu n'as jamais été chrétien? Les chrétiens, ce sont des hommes spéciaux. Ils sont conçus d'une manière spéciale. Qui ont des états spéciaux. Ils ne sont pas comme ils sont dans ce monde. Dans les corps du péché. Et aussi, ils peuvent broncher. Ils peuvent aussi commettre les péchés. Un chrétien peut même se fâcher et te répondre mal. C'est la vérité. Nikweli. Mais faire longtemps avec ces péchés-là, non. Cela est impossible pour un chrétien. Il peut te répondre. Il peut faire un mal. Il peut aussi broncher. En tant qu'humain. Il peut te dire des paroles blessantes. Mais il ne va pas faire longtemps sans se repentir. Toi, tu es quel genre de chrétien? Mutoto wa Mungu wa Dieu. Tu es quel genre d'enfant de Dieu? Uko nazala na batoto kubukweri. Tu as même des enfants au mariage. Benyo najua se abana ba bwana yako. Tu connais que ces enfants s'ils n'appartiennent pas à mon mari. Mais tu es là tranquille. Auko Shetani. Non, tu es seulement Satan. Uko Shetani. Tu es Satan toi. Auna mutoto wa Mungu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Quand est-ce que tu es chrétien? Tu sais très bien que tu es au mariage. Tu as des amants dehors. Unayua très bien. Tu connais très bien. Mais ton mari lui ne connaît pas. Ta femme ne connaît pas. Mais tu es tranquille. Ah, tu connais combien de temps ces choses ont perduré? J'avais commis cette erreur-là. J'avais un mari, mais cependant, lorsque je n'avais pas encore cru. Pourquoi est-ce que tu avais cru? Lorsque tu avais commis cette erreur, n'est-ce pas, tu savais que tu avais cru? Mais tu as déjà cru. Pourquoi tu ne répares pas la chose? Pourquoi tu ne répares pas? Oh, non, on a parlé de quoi, mon pagano. Lorsqu'on était en compagnie, c'est maintenant, c'est pas moi qui faisais ça. C'est Marie-là, je n'aime même pas cette femme ici. Et là, c'est de ma consolation à Shétan. Ce sont des consolations sataniques. C'est un signe qui prouve que tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est une personne conçue d'une manière spéciale. Il peut broncher, mais il ne peut pas se cramponner sur le péché. C'est impossible. Aujourd'hui, nous sommes étonnés de ces chrétiens d'aujourd'hui. Quelqu'un qui a un dossier, il a fait 10 ans. Il a fait 10 ans avec ce dossier. C'est grave. Ni Atari. 10 ans. Ton cœur est témoin. Il y a 10 ans. Et ceci a dit, mais où on a été mouru? Tu continues à regarder dans ton cœur. Accident. Et si tu mourais aujourd'hui par accident, où iras-tu? Si tu mourais par crise cardiaque, dans notre famille, on ne souffre pas de l'hypertension. Dieu peut l'envoyer pour que tu meurs. C'est la vérité. Nikweli. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui souffre de l'hypertension dans notre famille. Dieu peut accepter et l'envoyer pour que tu meurs. Où iras-tu, toi, là? Ce n'est pas une bonne chose, mon frère. C'est pas une bonne chose, ma soeur. C'est pourquoi tu touches mambo ya bumambre tu wa kanisa. C'est pourquoi enlevons cette histoire-là d'être seulement membre. Qui chrétien ni mambo inapita ile. La chrétienté, ça dépasse cela. C'est la vérité. Ni kweli. Mutoto wa Mungu na yanaweza kukotola. Un enfant de Dieu peut aussi broncher. Mais asiweze kuchunga mambo. Mais il ne peut pas garder les péchés. Mais toi, aujourd'hui, mambo, tu gardes les péchés miaka na miaka, des années. Mais uko tu es là calme et tranquille. Apana. Non. Oh, shendo, on a pilier, bakanisa, Kambo. C'est nous qui sommes les piliers de l'église de Kambov. Nous avons fait longtemps dans cette église. Le pasteur a confiance en moi. Le pasteur n'a pas un ciel là où il peut t'amener. Hein. Et puis en réalité, pasteur a chikutu est bien. Waki que le pasteur ne te connaît pas mieux. C'est la vérité. Ni kweli. Nana rikwambia ce pasteur anakuiwa. Qui t'a dit que le pasteur te connaît? Mubu muntu, humainement parlant. Anaweza kuya iko na marezo fulani ila anajiatashe kwako. Il peut avoir des raisons quelconques pour lesquelles. Mais roho yako chiwe bien. Mais il connaît pas l'état de ton cœur. Unaweza kuwa na roho mbaya sa shetani. Tu peux être méchant comme Satan. Mais ce pasteur a chikuye qui? Le pasteur ne connaît pas. Wewe unabakilia tu pale. Tu te crampes. Tu anakutumainia. C'est parce que le pasteur a confiance en toi. Dans cette église, ils ont aussi confiance en moi. Unashimamia paka pale. Tu t'arrêtes juste par là. Pana frère. Non, mon frère. Pana dada. Non, ma soeur. C'est la vérité. Ni kweli. Non, la tout frère. Ces choses-là, mon frère. Fraternité, ni kitu kia bien. Ah, ushirika kinduku, c'est une bonne chose. Pasteur, kukutumainia. Le pasteur placer confiance en toi. Ni kitu kizuri. C'est une bonne chose. Est-ce que tu vas moi, hein? Sommes-nous ensemble? Mouchande, kushikia sema ni mubaya. Ne, il ne faut pas les comprendre. Aïna mubaya. Ce n'est pas mon frère. Mambo, ni bile bi kuna fanika muroi yako. L'essentiel, c'est ces choses qui se passent dans ton cœur là. C'est la vérité. Ni kweli. Na tulisema ku vendredi. Et nous avons dit le jour du vendredi. Ni kusema ma relation ile tu kunao na Mungu. Les relations que nous avons avec Dieu. Ni ama peine. Ce sont des relations d'amour. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu ni baba. Dieu est notre père. Mimi ni mtoto yake. Je suis son kama fils. Kama niko na mambo. Lorsque j'ai un problème, je ne peux pas être agité. J'irai voir. J'ai de l'espérance qu'il va me répondre. Parce que ni baba. Parce qu'il est père. Nous faisons confiance l'un l'autre. La véritable foi. Ça marche de pair. Avec l'amour. Tu ne peux pas avoir l'amour sans foi. Tu ne peux pas avoir la foi sans amour. Cela est impossible. C'est la vérité. Ni kweli. Leo hii kama unaona mkanisa bantu beko telma kila mtu anaishi biaki. Aujourd'hui si vous voyez dans l'église chacun vit pour soi de sa manière. C'est parce que, premièrement, ils n'ont pas l'amour. L'amour que nous voyons dans cet âge de la Odyssée, c'est un faux amour. C'est vraiment un faux amour. L'amour de cet âge de la Odyssée. Mapendo ya hypocrisie. Mapendo ya unafiki. Njoo ile caractéristique ya bantu ya âge de la Odyssée. C'est ça la caractéristique des gens de l'âge de la Odyssée. Mukizaji tuko naishi kufuatana na malako. Selon les promesses. Tuko naishi mwakati mule Biblia iko nasema. Nous vivons dans un temps où la Mapendo yenye ya biakweri. Le véritable amour. Ata ya bunduku. Même l'amour fraternel. Itakuwa ya kutafutisha, ça sera rare. Et c'est la vérité. Non, ni kweli. Aujourd'hui, l'amour est devenu rare dans les humains. Les gens veulent que dans cette terre qu'on vive dans l'amour. Ah, on ne vive pas dans l'amour. Mais si Jésus venait, qu'il nous prenne malgré cela tous, qu'on aille habiter au ciel. Mais ne voyez-vous pas que cette façon-là de raisonner ni utongozi. Il est raisonné à ville. C'est raisonnement. Sur la terre, non. Muna shimangana, vous allez vous critiquer. Vous avez de mauvaises pensées. Muna sur les autres. Vous en train de vous signifier. Ah, non, c'est sur la terre. Chunga Yesu, akuya, nous attendons que Jésus. Nous allons nous accorder là au ciel. À moins que si le ciel là, c'est pour votre grand-père. C'est alors que vous irez vous accorder là-bas. La foi marche avec l'amour. Imani kuna tembea pamoja na mapendo. La foi parfaite. Imani kamilifu. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 126. Nukta yake mia moja makumi mbili. Anasema sema la foi et l'amour. Il dit que imani na mapendo sont parrain. Beko banduku. Car vous ne pouvez pas avoir la foi à moins que vous ayez l'amour. Parce que votre foi est dans un Dieu qui est l'essence même de l'amour. L'essence. Mana nye. Ah bon, il parle de l'essence. Mungu apote carburant. C'est Dieu là pour lequel nous venons ici. Njo mwenye kuya essence yenyewe. C'est lui qui est même l'essence. Vous savez, le travail de l'essence, c'est pour que ça puisse marcher. Il est sans s'il n'y a pas d'essence, malgré que le véhicule est vraiment confortable, ça ne peut pas rouler sans la présence de l'essence comme carburant. C'est la vérité. Nikweli. L'essence même de l'amour. Anjo, essence n'y a ma pendo. La foi et l'amour. Imani na mapendo. Travaille ensemble. Beko natumika pamoja. Aweze kusema unapenda Mungu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Aweze kusema uko na imani. Tu ne peux pas dire que tu as. Mais uko naishi mu désordre. Tu as la foi mais tu vis en désordre. Non. Mais abila na sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas dire que j'aime l'ancien José. Mais tu le critiques à côté. Seul là où tu es. Tu sais bien. Tu mais on a dit nous aimons vraiment nos prédicateurs de chez nous. Vous ne les aimez pas, c'est l'amour d'hypocrisie. Comment peux-tu aimer quelqu'un et continuer à le critiquer? Comment peux-tu dire que tu aimes quelqu'un mais tu es en train de parler des choses qui peuvent l'humilier? Comment peux-tu l'aimer dans ce sens-là? Toi-même, c'est pour le raisonner. Tu l'as aimé depuis quand? Ah bon? Non. Tu ne l'aimes pas. Tu l'as haï. Si tu as même la possibilité de le tuer, tu peux le tuer. Tu peux même l'empoisonner. Parce que tu es méchant. Parce que tu es méchant. C'est la vérité. Nikweli. Mapendo na imani binatembeaka pamoja. L'amour et la foi marchent de pair. Même si tu bon. Dis. Moi, je n'aime pas vraiment ce fraternisme avec des frères et des sœurs. Moi, j'aime seulement aimer hypocrite. Dieu. Tu es mon afiki. Que Dieu vous bénisse. Uko hypocrite. Tu es mon afiki. Biblia iko nasema. La Bible dit. Comment unaweza kupenda Mungu ule uonake? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, mais tu haïs les gens que tu vois? Comment? Namna gani? Comment? Toi, tu aimes seulement Dieu que tu ne vois pas. Mais les frères que tu vois ici, tu les critiques. Moi, je ne peux pas critiquer Dieu. Je ne peux pas avoir de mauvaises pensées sur Dieu. Frère Branham avait prêché un message intitulé Discerner le corps du Seigneur. Utambue mwili ya Christ. Frère Branham dit écoutez la prédication. Nikitu kizuri. C'est une bonne chose. Être membre d'église. Nikitu kizuri. C'est une bonne chose. Mais aina bile bitakupeleka ku destinée yako. Mais c'est pas ça qui vont t'amener à Frère Branham anasema destinée ya kila mtu. La destinée de tout et chacun de nous. Inaikaria pa ile discernement eko nayo. Il est fondé sur le discernement qu'il a. Mubile ko nasikia. Dans ce qu'il écoute. Na bile ko naona. Et dans ce qu'il voit. Mungu apate mbariki. Que Dieu vous bénisse. Kama baba nduku na baba dada wewe. Si ses frères et ses sœurs ici. Uko na baona babule. Tu les vois comme des rien. Ni alama ya kusema. C'est ainsi. Kumacho yako na Mungu ni mtu wa bule. Devant toi tu considères Dieu comme aussi un néant. Mungu apate mbariki. Que Dieu vous bénisse. Wakati ya Bible. Du temps de la Bible. Wakati Paul alikuwa na persécuté ba Christ. Lorsque Paul alikuwa na teswa les chrétiens. Alikuwa na bafanishia bintu bibaya. Il les causait du tort, il faisait du mal aux chrétiens. Mais siku moya mungie ya Damas. Un jour sur la route de Damas. Na nguzo ya moto. Il s'est rencontré avec la colombe. Sauti inatoka inamwambia Paul. La voix sortit de la colombe de Paul en disant Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Tu as nini unaniteswa? Paul alishanga. Paul était étonné. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi me persécutes-tu? Dieu a dit nous qu'on a dit tes soins. Il était surpris. Mais quoi, on a fait tout le tour. Tu vas oublier, tu vas bouler, bouler. Moi, j'allais persécuter ces faux prédicateurs. Tu vas frère, tu vas chikini. Et ces frères païens. Parce que beaucoup y en a mana. Mais si tu penses que tu n'es chauffé. Je ne les aime pas qui s'approchent. Parce que niveau y a un gars, il a niveau y a. Parce que mon niveau n'est pas comme. Frère, t'as comment tu vas frère? Tu as un niveau à quoi tiens? Nous sommes des frères, mais on a des niveaux différents. Si tu galères, on a un niveau à quoi tiens? Nous, on n'a pas des niveaux différents. C'est la vérité. Nicole, oh frère, tout le monde a un niveau à quoi tiens, frère. Frère, nous tu avons un niveau différent. Moi, je suis docteur en théologie. Docteur, je suis licencié en Ivy Naïvi. Fulane de ceci et cela. Moi, tu es bien vu. Arrêtez tout ça. C'est la vérité. Nicole, je suis Jésus. Nico Yesu. Que tu persécutes. Où le soit. Paul, hier, il y a un endroit où il y a un endroit où Paul allait tuer les chrétiens. Mais Yesu anamwambia, Jésus lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Nimi Yesu ule kuna teswa. Kama ukuna mambo mwi kanisa na dada. Tu as un problème avec une sœur. Mambo na nduku. Tu as un problème avec un frère dans cette église. Très attention. Usopoke. Pengine naweza kuwa ni Yesu kunaye kuomba. Peut-être ça peut être tu persécutes Jésus. C'est la vérité. Ni kweli. Inaweza kuwa ni Jésus kunafana hebu konvi wewe. Ça peut être que c'est ce Jésus que tu persécutes. Tu ne le sauras pas. Ni mukristo gani hapa? Qui est katikati ya bandu, katikati ya badada? C'est quel chrétien parmi les frères et les sœurs? Ule mwenye kwa mkono wa Mungu. Qui est entre les mains de Dieu? Hautayua. Toi tu ne le sais pas. C'est la vérité. Ni kweli. Anasema la foi et l'amour travaillent ensemble. Il dit que imani na mapendo biko natumika pamoja. Anasema tenez Musa 27. 127. C'est comme pour un jeune couple. Iko sawa ndoa ya sasa. Vous prenez un jeune homme et une jeune fille. On a tugua kiana mwanamke na kiana mwanaume. Qui s'aime. Bale banapendana. Qui tombe amoureux l'un l'autre. Bale banapendana mmoja kwa mwingine. Alors qu'ils vont de l'avant et qu'ils commencent à mieux se connaître. Na wanasonga mbele na wanaanza kujuana mzuri. Leur cœur. Mioyo yabo. Commence à battre à l'unisson. Voyez-vous? Inaanza kupika pamoja mnaona. Pourtant, japo ils ne sont pas encore mari et femme. Aba yakwa bibi na bwana. Mais leur amour les lie. Lakini mapendo yabo inabaunga. Et ils ont confiance l'un dans l'autre. Wanatumainia moja kwa mwingine. Beko na tumainiana. Ils se font confiance l'un. Mungu le alikuita eko na kutumainia. C'est Dieu qui t'appelle, t'a fait. Na wewe uko na mutumainia. Si tu as confiance en lui. Kile kinaletaka matumaini katikati ya watu bawili. Ni donne la confiance en lui. Ni mapendo. Yashipo kwa na hypocrisie. L'amour sans hypocrisie. C'est la vérité. Ni kweli. Leo mabukweri ya mingi haina tena na masansi ya mabukweri. Aujourd'hui beaucoup de couples n'ont plus de sens d'être couple. Ni juu ya mapendo ya hypocrisie. C'est à cause d'amour hypocrite. C'est la vérité. Ni kweli. Frère, duk. Tuko benye kuumbwa kwa mfano ya Mungu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Mtu anekalaka L'homme est prompt à découvrir lorsque tu commences à le tromper. Et ça soit seul. Dès que tu commences à le tromper, la nature est prompt de découvrir ce que tu le trompes. Peut-être il n'a pas de preuves. C'est pourquoi vous le voyez, il est calme. Mais au fin fond de son cœur, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Turiumbwa mfano ya Mungu. C'est la vérité. Ni kweli. Kama bantu wanapendana frère. Lorsque deux personnes s'aiment, bana tumainiaka. Ils se font confiance. Aujourd'hui, si vous voyez des gens n'ont pas cette assurance, il est matumaini. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous manquez de faire même les témoignages. Vous manquez de faire les témoignages de votre vie. C'est parce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque les deux personnes s'aiment, ils se font confiance. C'est la vérité. Nikweli. Unasema Mungu alikuokola. Tu dis que c'est Dieu qui t'a sauvé. Le salut. Wokovu. C'est l'amour de Dieu. Ni mapendo ya Mungu. C'est la vérité. Nikweli. Wokovu kuokolewa. Le salut, être sauvé. Ni signe ya mapendo ya Mungu ya kupita. C'est un signe d'amour de Dieu qui te passe. C'est pourquoi on a ce Bible qu'on a semé en Jean. C'est pourquoi chapitre 3. Dans Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3. La Bible dit ceci. Jean chapitre 3. Yohane suraya ke atatu. Mushiki. Écoutez. Bible qu'on a semé verset 16. Kumena sita tatu kumena sita. Bible inasema car Dieu a tant aimé le monde. Kwani Mungu alipenda sana ulimwengu. Il a donné son fils unique. Akatoa mwana wake wa pekee. Afin que quiconque croit en lui, ya kwamba yeyote atamwamini, ne périsse point, asipotee kama, mais qu'il ait la vie éternelle. Anakini apokee buzima ya milele. Chaque fois qu'un pécheur, kila wakati mtenda zambi, expérimente le véritable salut, anaonja wokovu ya kweli, dans son cœur, moyo wake, Mungu analamuka mapendo. Il s'élève l'amour. Est-ce que tout va bien? Sommes-nous ensemble? Mukona la muka matumaini. Il s'élève la confiance. Ekona ishi. Il vit. Na ekona tumaini au le Mungu alimuokola. Il a confiance en ses dieux. Maisha yake yote. Toute sa vie. Yake yote. Anajiweka juu au le Mungu. Il est placé. Na ekona sema. Et il dit. Kama Yesu angekuyaka. Si Jésus n'était pas venu, je pouvais être perdu. Mu Kristo. Un chrétien. C'est comme ça qu'il vit. Où le monde a vu les frères. Cette personne. Où le monde a vu les dadas. Cette personne là, c'est une personne particulière spéciale. C'est quelqu'un qui est spécial. Même s'il est seul. Il n'y a même pas un membre de Cambodge. Il n'y a ni sa femme ni son mari. Il se retrouve parmi les païens. Dans son cœur, il ne peut pas trahir Jésus Christ. Il ne peut pas. C'est la vérité. Nikweli. Pourquoi Siweze? Dianine ne peut alors pas. Que alors qu'il est seul. Il n'y a personne qui peut le reprocher. L'amour qu'il a dans son cœur. Ça le fait échouer de ne pas faire le péché. C'est la vérité. Nikweli. Lorsque deux personnes s'aiment, tu ne peux pas causer du tort à ton frère ou lui faire du mal. Vous allez voir, les maris et la femme sont dans une maison. Les maris vivent comme ils veulent. La femme aussi vit comme elle veut. Vous n'avez pas d'amour. Ils sont là à cause seulement des enfants. Ils sont là, ils ont honte de briser le mariage pour ne pas apporter l'opprobre à l'église. Mais ils ne s'aiment pas. Ils n'ont pas d'amour. Il n'y a pas moyen d'unir. Il n'y a pas moyen de bricoler l'amour entre eux. Vous les bricolez, mais vous n'avez pas d'amour. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, il n'y en a pas. Il n'y a rien d'autre à faire. Lorsque des personnes s'aiment, ils se font confiance. C'est la vérité. Nikoeli. Si aujourd'hui les prières vous priez sur quelqu'un, ça n'a pas de succès. C'est parce que les gens n'ont pas la foi. C'est qui les a ôté la foi. C'est parce qu'ils n'ont pas de l'espérance en Dieu. Ils ne se font pas confiance en Dieu. C'est parce qu'ils vivent mal. C'est tout pas moi, hein? Sommes-nous ensemble? C'est la vérité. Nico Elie. Un chrétien, mon frère. Comme un problème, il a mubamba. Dès qu'il a un problème, que ce soit la maladie, que ce soit les manques, que ce soit un problème au service, au travail. Il est imani condamné à que il est. La foi qui est en lui là. Il peut aller voir même une soeur. Il dit, ma soeur, priez pour moi, j'ai telle situation. Priez. La soeur lui impose les mains. Dieu exauce. Que Dieu bénisse. Pour yeye, quoi que yeye, il n'a pas de problème de ce que tu es. Parce que lui, il connaît Dieu. C'est Dieu là qui l'a sauvé. C'est Dieu que lui honore. Il ne peut pas les laisser dans cette difficulté. C'est comme ça que ça tourne. Regardez même dans les corps ici. Tu as ton frère qui a un peu de moyens. Et il a, tu as des difficultés. Tu sais que dès que je l'appelle, il ne peut pas me laisser dans cette difficulté. Mais si tu l'as déjà escroqué beaucoup de fois l'argent, ah, tu ne sauras pas l'appeler. C'est comme ça que ça toujours était. Tu ne sauras pas l'appeler. Pourquoi? Parce que ton cœur va te condamner. Hein, nous ne sommes pas modernes avec lui. Comment puis-je l'appeler? Mais si vous tous, frères et sœurs, vous faites confiance en Dieu. Il n'y a personne qui peut sortir avec des problèmes qu'il est entré avec. Non. Comment peux-tu sortir avec des problèmes? Parce que Dieu dit, il n'y a rien qui est impossible devant Dieu. Il n'y a rien. Comment toi, tous les jours tu viens avec un péché, tu sors avec. Tu rentres avec la maladie, tu sors avec. Tu viens avec des problèmes, tu rentres avec des problèmes. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a rien qui soit impossible. Hakuna kitu kiasipo wezekana. Mumikono ya Mungu. Devant Dieu. Utamutumainia ule Mungu je. Comment peux-tu espérer en ce Dieu-là pendant que tu ne l'aimes pas? C'est la vérité. Nikoeli. L'amour les lie. Mapendo na waunga. Et ils sont confiance l'un et l'autre. Na wanatumainiana mmoja kwa mwingine. S'ils s'aiment vraiment. Kama wanapendana kweli kweli. Ils s'aiment vraiment. Kweli kweli wanapendana. Savez-vous que cette fille, si elle sait que vous l'aimez, vous avez confiance, vous avez foi l'un dans l'autre, si vous avez foi l'un dans l'autre, et si ce n'est pas le cas, vous feriez mieux de ne pas vous marier. Vous m'avez mesuré à me passer à ta couronne. Mon gars, votre mari. Que Dieu bénisse. Comment vont tous frères en pendant? Si deux personnes s'aiment pas. Attends, mon gars, fiançailles. Même si vous êtes en fiançailles. Comme mesuré mon habillage. Autant mieux briser ces fiançailles. Pendant ce passage, mobile. Vous allez dire. Prédicateur, vous voulez qu'on puisse se séparer? On a ici na buana. Mais tu vis avec un mari. Où le voit qu'on a peine d'accord. Que toi tu veux. Mais où on a chez tout tu parles le buana. Ce même mari là. On a toi qu'on a un amouki. Il sort encore avec cette femme. Mais voilà. Mais dans ton cœur, tu continues à espérer qu'il te prenne en mariage pendant qu'il couche avec d'autres femmes. Tu es vraiment insensé. C'est la vérité. Nikoeli. Comment expliquer quelqu'un qui t'aime? Il va commencer encore à coucher avec d'autres femmes. Comment une femme là qui t'aime va commencer à coucher avec d'autres maris? Ça, vraiment, tu es insensé. C'est la vérité. Nikoeli. Si vous voyez que vous ne vous aimez pas, vous ferez mieux de ne pas vous marier. Voyez-vous? Vous devez avoir foi. Muna pashi kutumainiana. Et si vous les séparez, kama mukijitenga, et que vous mettiez l'un à l'extrémité du sud, kama ukibatenganisho na weka mmoja kusini, et l'autre à l'extrémité du nord, mwingine kukaskazini, ils auront toujours amour. Batakuwa paka na mapendo ya kupendana. L'un pour l'autre. Mmoja anapenda mwingine. où qu'ils se trouvent, ils sont aussi fidèles que possible l'un l'autre parce qu'ils s'aiment. Et si vous aimez le Seigneur, pas juste pour échapper à l'enfer, mais vous aimez le Seigneur, alors vous avez foi en Dieu. Vous voyez, que Dieu vous bénisse. Si vous aimez le Seigneur, vous avez confiance en lui, vous l'espérez. Vous avez confiance en lui. Regarde un peu le niveau de ta confiance devant Dieu. C'est grave. Ni Atari. C'est la vérité. Ni Kweli. Oui, frère. 132. Lorsque nous étions des prêcheurs. Wakati le turkwa batendazani. Et que nous étions éloignés. Na turkwa mbari. Sans Dieu. Bila Mungu. Dans le monde. Mudunia. Dans la saleté. Mubuchafu. Et dans la boue. Na muma tope. Comme j'en ai parlé ce matin. Baka vile na isema subuhi. Dieu est venu. Mungu alikuja. Dieu nous a cherché. Ari tutafuta. Vous n'avez jamais cherché Dieu. Mweye, amuya mutafutaka Mungu. Nul ne peut venir à moi. Hakuna mtu akuja kwangu. Si mon père ne l'attire premièrement. Kama baba. Et Dieu est venu dans la saleté où nous étions. C'est ça le raisonnement d'un chrétien. Il regarde là où il était. Moi ici. J'étais un ivrogne. J'étais prostitué. J'étais un méchant vraiment. Lorsque Dieu est venu m'appeler, il m'a sorti de la santé. Ni t'étais cette parole, je ne sais pas là où je vais être. Peut-être que je pouvais déjà mourir il y a longtemps. Mais il est reconnaissance. Cette reconnaissance de voir ce que Dieu a fait pour toi, ça crée dans ta vie l'amour envers Dieu. Il faut que cette chose-là s'est déjà opérée en toi. Si cela n'existe pas, quoi que tu dises que tu aimes Dieu, c'est par la bouche que tu le dis, au fin fond de ton cœur. Le véritable amour. La personne va voir ce qu'on a fait pour lui. C'est la vérité. Nikweli. Ça, c'est la vérité. Cela crée un amour parfait. Il est taumba, ma peine, ton camilifre. Regardez ce que vous étiez. Tazama, unangare kilorikua. Et regardez ce qui vous êtes, ce qui a fait de toi. Na, kuangare kila na kufuanshia. Quelqu'un qui vous aimait. Mutu la rikupenda. Ne pouvez-vous pas alors avoir foi? Basi utakosa je kumutumainie kumwamini. Dans ce qu'il a promis. Kumwamini mubila rilaka. Un réel et véritable amour. Mapendo ya kweli. Créera en vous la confiance dans sa parole. Itaumba ndani yako matumaini ndani ya neno lake. Est-ce que tuko pamoja? Somno ensemble. Mapendo ya byakweli. Le véritable amour. Il va créer en toi l'espérance et la confiance. C'est la vérité. Nikweli. Kama réellement ouais frère na ouais sœur. Si réellement toi frère et toi sœur. Uko convaincu akusema ni Mungu alikuokola. Tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a. Ndani ya roho yako mnalamuka mapendo. Et au fin fond de ton cœur. Ile mapendo inakuwa réciproque. Cet amour là il a quoi réciproque. Katikati yako wewe na Mungu. Entre toi et Dieu. Itafanya maisha yako yote. Unakuwa na mtumainia paka yeye. Tu vas commencer à espérer seulement en lui. Ça va créer la confiance. Itaumba matumaini. Hata mambo inalamuka yaje. Peu importe les difficultés qui peuvent s'élever. Itaisha. Ça va s'arrêter. Juu mimi namjua Mungu. Parce que je connais Dieu. C'est la vérité. Ni kweli. Hata yaje frère. Peu importe les difficultés. Hakuna ile mambo Mungu anashindaka. Il n'y a rien qui peut être impossible devant Dieu. Mungu wetu. Notre Dieu. Eko nasema mbele hivi tusome mbele Isaïe. Il dit ceci. Lisons Isaïe. Moshiki. Écoutez. Isaïe chapitre 46. Isaïe sura makumi ine na sita. Esaïe 46. Isaïe sura makumi ine na sita. Ni wabia verset ake. Est-ce que ni Esaïe mirikotola? Excusez-moi, je me suis trompé. Ce n'est pas Esaïe. Aina Isaïe. C'est que mirikotola. Je me suis trompé. C'est pas grave, je vais lire une autre écriture. Ceci dit ceci. Deutéronome chapitre 23. Kumbukumbu la Torah ti makumi mbiri na tatu. Ça dit ceci. Deutéronome chapitre 23. Kumbukumbu la Torah ti makumi mbiri na tatu. Bible qu'on a semé verset 19. Verset 19, la Bible dit ceci. 23-19. Makumbi na tatu kumi na tisa. Toutes ces deux écritures, vraiment, je me suis trompé. Parce que Biblia mui anjiko iko nasema à qui je lui ressemble. Ah, inasema ni. Nilibeba ni mwezai mimi na sababu fashi. Ah, j'ai pris ça. Hii ya pili Biblia iko nasema Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ah, Mungu ana mtu jua kudanganya. Mais mimi nafanya confusion hapa na tamam. C'est pas grave, j'ai commis les. Mungu apate mubariki. Que Dieu vous bénisse. Mimi déjà kusema. Moi j'ai na mimi niko à l'aise. Je suis à l'aise. Hapana kusema sema ah mubira na kudagura mkinyo. Shikure mkinyo. Non, pas que je suis niko mtu mimi naweza kukotoa. Je suis un humain, je peux aussi me tromper. Na niko à l'aise. Eh, je suis très à l'aise. Mungu apate mubariki. Que Dieu vous bénisse. Ah, on okay. Me dit que c'est Esaïe 49. On m'a donné récemment, on m'a donné cette écriture. Esaïe 49. Isaïa, makumi ine natisa. Trisome. Disons cela. 49 verset 14. Kumi na ine ya musari. Ok. Aina ine dikwa napenda. C'est pas ce que je cherchais. Nombre 23-19, hein? Attendez. Ok. Mina suma mbele ile. Shunona bana nisaidie. Vraiment m'aider. Mungu amibariki frère. Dieu bénisse mon frère. Il y a nombre njoyo. Voilà, c'est un nombre 23. Nombre 23 19. Esabu makumbi na tatu kumi na tisa. Très bien. Muzuri san. OK. Muzuri san. Nombre 23 19. 23 19. Mina cha ile ngine juu bote abaipate. Je laisse l'autre écriture puisqu'on l'a pas. Dieu n'est point un homme pour mentir. Mungu ana mutu juu apate. Amwitika mene hii saa yote tunakawia mkutafuta hii anjiko hii. Vous ne dites pas amen pendant qu'on a fait longtemps à chercher cette. Mais amwitika amen. Pourquoi ne ponctuez vous pas par amen? Aban? Non. Dieu n'est point un homme pour mentir. Mungu ana mutu juu apate kulongofia. Ni fils d'un homme pour se repentir. Wala mwana wa mtu juu apate kujuta. Ce qu'il a dit. Qu'il a risema. Ne le fera-t-il pas? Eti, hasta kitenda. Ce qu'il a déclaré. Qu'il a ritangaza. Ne l'exécutera-t-il pas? Eti, hasta kitimiza. Mungu wote umbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Ni kweli. Uyu Mungu. C'est Dieu. Ni Mungu akutumainia. C'est un Dieu en qui il faut placer la confiance. Parce que asina muntu wa kulanda. Il n'est pas un homme pour mentir. Asiweze kulanda. Il ne peut pas te mentir. Mungu akulande weye. Que Dieu te mente toi. Atonea monini. Qu'est-ce qu'il va tirer comme profit? Asilanda ke huyu Mungu frère. Dieu ne mange jamais. Asilanda ke huyu Mungu dada. Dieu ne mange jamais ma sœur. Kama unamkaribia. Si tu t'approches. Ukuye na confiance. De lui ayez la confiance. Ya kusema mie. Que moi. Na ingia mu relation moya. Ile sia ingiaka. Là où je ne suis jamais. Juu huyu Mungu arinita. Parce que c'est Dieu. Asina mutu juu anilande. N'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme. Mungu ana mutu. Comment naweza kutumainia mtu kupita Mungu? Comment peux-tu espérer dans une personne de plus que Dieu? Alors que la Bible qu'on asema? Alors que la Bible dit. Tout homme soit reconnu comme menteur. Mutu wote ajulikane kuwa muongo. Mais wewe kuna confiance sana mu bantu. Mais toi tu as tellement confiance dans les humains. Kupita Mungu. De plus que Dieu. Hapana. Non. Notre Dieu. Mungu wetu. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ana mutu juu apate kulongofia. Kama Mungu anakuokola. Si Dieu te sauve. Anakuokola bia kweli. Certes, c'est fini. Kama Mungu anakusame. Si Dieu te pardonne. Anakusame bia kweli. C'est fini, te pardonne. Na kama unexperimente wokovu. Et si tu expérimentes le pardon. Unapasha kumutumainia. Il faut avoir confiance en lui, il faut espérer en lui. Pasha kumutumainia. Il faut espérer en lui. Ashiweze kukulanda. Il ne peut jamais te mentir. C'est la vérité. Ni kweli. Un réel amour. Mapendo ya kweli. Un réel véritable amour. Mapendo ya kweli. Créera en vous la confiance dans sa parole. Itaumba ndani yako matumaini ndani yako. Utendelee kumtumainia Mungu juu unampenda. Tu vas continuer à avoir confiance en Dieu parce que. Unaona kama unapenda mtu. Tu vois lorsque tu aimes quelqu'un. Tu ne peux même pas imaginer qu'il peut te tromper. C'est la vérité. Nikweli. Même dans ce monde ici, lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne peux jamais croire qu'il peut te mentir. Lorsque tu crois que quelqu'un peut te mentir, c'est-à-dire que tu ne l'aimes pas. C'est comme ça que ça toujours été. Vous savez, mari et femme dans une maison. Le mari continue à imaginer que dans cette affaire ici, la femme peut me tromper. Même si c'est vrai, il te trompe. Même si tu l'aimes, tu ne peux jamais soupçonner qu'il peut te mentir ou te tromper. Nous sommes-nous ensemble? Tu ne peux pas les soupçonner parce que tu l'aimes. Comme une personne aime l'autre. Il a option ya kusema anaweza kumulanda. Aikala keko. Imaginez qu'il peut le tromper, il ne peut pas en avoir. Aikala keko. Tu ne peux jamais soupçonner qu'il peut te mentir ou te tromper. Kama kuna soupçonner mtu si frère, tu soupçonnes quelqu'un, mon frère, dans les mariages. Lomba Mungu akusaidie. Demande à Dieu qu'il puisse t'aider. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, tu m'as trompé, frère. Tu m'as trompé, sœur. En vérifiant la chose, ce sont des soupçons. La Bible dit, les soupçons, ce n'est pas les fruits d'amour. C'est la vérité. Nikweli, lorsque les gens se soupçonnent réciproquement, fin de fait, batachana. Mushoyake, ils vont se séparer. Nous avons déjà dit. Vous ne vous accordez pas. Vous ne vous faites pas confiance. Vous n'avez pas confiance l'un l'autre. Mais vous êtes appelé à disparaître. C'est la vérité. Parce que ma relation, vous ne fondez pas. Vos relations, vous les avez fondées sur quoi? Vous ne fondez pas. Où est-ce que vous avez fondé vos relations? Comme on appelle Namoutou, frère. Si vous aimez une personne, frère, tu ne peux jamais les soupçonner. Si tu vois que même dans l'église, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre de Satan. Comment expliquer que tu peux soupçonner que ce frère-là est voleur? Comment as-tu commencé ça? Ça te vient seulement en esprit? Ce véhicule, comment est-ce qu'il a acheté ce véhicule? On le paye $500. À peine qu'il a commencé à travailler, déjà il achète une voiture. Ça, c'est la haine. C'est la haine. C'est la vérité. Nikweli. Tu commences à faire des calculs. Où est-ce qu'il peut avoir cet argent pour acheter ce véhicule? Tu es un méchant. Comment expliquer que tu soupçonnes ton frère? Comment? Si vous vous aimez, pourquoi est-ce que tu peux les soupçonner? Parce que comment on a soupçonné Muntu? Si tu soupçonnes quelqu'un, tu peux commencer d'abord par les soupçons. Mais moi, soupçons yako, mon esprit yako inakuya mambo ya kweli. En fin de compte, tes soupçons là, ça devient la réalité pour toi. Ça devient la réalité pour toi. Ma soupçon, c'est l'œuvre du diable. Ma soupçon, nikazi ya shetani. Nani signe ya kusema baba mtu wapendane. C'est un signe qui montre que ces gens ici ne s'aiment pas. Dans l'amour, m'mapendo. Je pense que ni moins corinthien. Voisin ni corinthien. Amuna amukalaka ma soupçon. Dans l'amour, il n'y a pas de soupçon. Il n'y a pas de soupçon. Amuna kuwaziana bibaya. Habinako. Ça n'existe pas. Mapendo ni kitu kiko fondé par ma. C'est que ni kusema. L'amour. Mapendo. L'amour. Na matumaini. Et l'espérance. Ni bitu binekalaka mukutembea pamoja. Ce sont des choses qui marchent de pair. Nous nous faisons confiance. C'est que qu'on a ici, tu vis na banduku, avec des frères. Na ile confiance ya kusema, wala banduku, ses frères na ici, et ses sœurs ici. Hakuna ule atanifanya kata kitu kimo kibaya. Il n'y a personne qui me fera du mal. Uko na ile confiance. Tu as cette confiance, ile matumaini. Uko na hakikisho muroho yako. Aba ni banduku yangu. Hakuna ule atanifanya kitu kibaya. Personne me fera du mal. Ça devient un poison. Ah, celui-là, il risque de m'empoisonner. Non, il n'y a pas d'amour. Nous ne sommes pas en politique. C'est la vérité. Nikweli. Je continue à lire cette citation. Bientôt là. Alors, votre amour ne va-t-il s'élever à son tour vers lui? Et il t'a l'amour qu'à quoi? C'est là une affaire d'amour. Il est ni mambo ya mapendo. Peu importe la situation. Aizuru mambo inafika. Les circonstances. Ma mambo ile nezi mifikie. Sont sous le contrôle de cet amour qui crée la foi. Ile mambo na mifikie iko chini ya uongozi ya ile mapendo ile naumba. Est-ce que tu vas moi? Somno ensemble. Ni kusema hata kama mambo inakubamba. Peu importe les circonstances qui t'arrivent. Hata mambo ya je inakufikia. Peu importe les difficultés. Weye. Mais toi. Kitumaini kiako. Ton espérance. Ni mwile mapendo uko nayo na Mungu. Jo inaumba mu maisha yako imani. C'est ce qui va créer en toi la foi. C'est la vérité. Ni kweli. Kama mambo inakubamba. Dès que tu as des problèmes. Ni kusema. C'est-à-dire. Unapotesha na butoto bwa Mungu. Tu perds même le fait d'être enfant. Haukuwa mukristo. Là tu n'as jamais été chrétien. Haukuanza kupenda Mungu. Tu n'aimais pas Dieu. Mambo inakubamba. Dès que tu as des difficultés. Batoto wanakukufwa. Les enfants sont morts. Baloge. Oh, ce sont des sorciers. Hauna na mapendo. Tu n'as pas d'amour à l'égard de Dieu. Bwana nakukomplike. Le mari te complique. Ndio unaona mtu anaenda kusema hii inakuwa sasa ni malédiction. Vous allez voir quelqu'un il dit inakuwa ni laana. Frère Branham anasema peu importe les circonstances. Frère Branham dit aizuru mambo ile inakufikia. Ile inaweza kufika. Ifike kwa watoto yako, ifike kwa familia yako, ikufikie wewe mwenyewe. Ile mapendo uko nayo ndani ya Mungu. L'amour que tu as. Ndio hiyo iko naumba maisha yako imani. C'est ce qui va créer en toi la foi. C'est ça qui crée la foi. C'est l'amour. Ni mapendo. Ni kusema, c'est-à-dire, mi na Mungu, moi et Dieu, tuko na mapatano ya mapendo. Nous avons l'accord d'amour. Ile mapendo ya shipo kuya ya bongo. L'amour qui n'est mapendo pas ya vya kweri. Ina umba kapaka imani. Certes, ça crée la foi. Ça crée la foi. Ni kunaumba imani. Hauweze kutenka. Tu es inébranlable. C'est la vérité. Ni kweli. Quand Dieu vous aime, wakati Mungu anamipenda, et que vous aimez Dieu, na mwe munampenda Mungu, et que vous vous aimez l'un l'autre, unapendana mmoja kwa mwingine, cela apporte la foi. Il est taleta imani. Très bien. Mzuri. Alors, bas. Rien ne peut empêcher. Hakuna kile kinaweza kuzuiza. Que cela produise exactement ce que Dieu a promis. Ipate kuleta kabisa kabisa kile Mungu alilaka. Que cela produirait. Que Dieu vous bénisse. Mais usema ile mapendo yenye kunazala imani. L'amour là qui enfante la foi. Aiweze kujibiria. Ça ne peut pas empêcher. Kile Mungu arilaka. Ce que Dieu avait promis. Kuba toto yake mwiki kizazi. À ses enfants dans cet âge. Kipate kushinda kufika. Et que cela ne puisse pas arriver. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Ni kusema nini? Qu'est-ce que ça veut dire? Kama ile mapendo ya bya kweri. Si c'est véritable amour. Mbele ya Mungu ya mtu na Mungu inakuwa ya kweri. Entre l'homme et Dieu, ça devient un véritable amour. Mtu eko na yule kusema. L'homme sait que. Tant qu'eko naishi. Tant qu'il vit. Biote bile Mungu arilaka mumyanjiko. Tout ce que Dieu a promis. Na yale pata kubionja. Lui aussi doit les expérimenter. Que Dieu vous bénisse. Kama Mungu arilaka Saint-Esprit. Si Dieu a promis le Saint-Esprit, arilaki ayo ni mi. Il a promis ça à moi. Jo vile bakristo wanasema. C'est comme ça que les chrétiens c'est disent. Que nikusema kama mishi atoka pa dunia. Ah, aussi longtemps que je n'ai pas dunia haita ishaka paka pale nitapataka Saint-Esprit. Jusqu'à ce que je reçoive le Saint-Esprit. Parce que Mungu arilaka. Parce que c'est Dieu qui arilaki ayo nani. Il a promis ça à qui? Arilaki ayo ni mi. Il a promis ça à moi. Ni mi ndio arilaka Saint-Esprit. C'est à moi qu'il a promis. Parce que niko mtoto wa Mungu. Parce que je suis. Ça vile ni paka Dieu a Saint-Esprit ndio kwenda mkunya. L'enlèvement n'aura jamais lieu si je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu. Anaweza kubloquer tata. Il peut même bloquer le temps, arrêter à le temps. À cause de sa foi. Moi, j'ai imani yake. Pour que il est mambo pas qu'il y réalise. Pour que la chose soit bien changée. Puisse se réaliser avant qu'il y ait changement. C'est la vérité. Nikweli. Parce que et qu'on a confiance. Il a confiance. Et qu'on a kitumaini. Il a de l'espérance. Na anaamini ya kusema. Et il croit que. Ule Mungu arilaka. C'est Dieu là qui a promis. Il ne peut jamais mentir. C'est comme ça que les chrétiens. Na ile haikupewa kwa bantu bote. Ceci n'a pas été donné à tout le monde. Haina kwa bantu bote. C'est pas donné à tout le monde. C'est la vérité. Nikweli. Hakuna kitu kinaweza kushibiria. Inyarie kipe la. Kama Mungu alilaka matunzo. Si Dieu a promis la guérison. Il faut Mungu anitunze. Il faut que Dieu me guérisse. C'est comme ça qu'un chrétien a toujours été. C'est-à-dire, il a la foi, je suis déjà sauvé. Mais je suis malade. Dieu doit me guérir afin d'avancer. C'est la vérité. Nicole. Il faut pas qu'on tunze. Il faut qu'il me guérisse. Mungu alilaka matunzo, alipata paka. Il faut mille matunzo nionje. Il faut que je puisse accepter. Apana sema mimi nasikia sasa alimtunza frère fulani. Ah, il faut pas dire ça. Alimtunza dada fulani. Ah, frère tel sœur. Non. Matunzo sawa vile Mungu alilaka matoto yake. Il faut na mimi anitunze. Il faudrait qu'il me guérisse aussi. Il faut pas qu'on tunze na mie. Il faut qu'il me guérisse aussi. Kama Mungu ashikutunze wewe. Si Dieu ne te guérit pas toi. Attends, tu restes majua matunzo. Même si nous parlons de la guérison. Imani yako iko sawa biabo. Ta foi c'est comme si elle est fausse. Parce que huyo onde yenye matunzo. Parce que tu n'as pas encore expérimenté la guérison. Il faut qu'on tunze. Il faut qu'il me guérisse. Mi Mungu aliniokola. Dieu m'a sauvé. Biblia iko nasema. La Bible dit par ses maîtrisires. Un bidon de viake. Nous avons été guéris. Turitunzwa. Il faut namiba ni tunzwa. Il faut que je sois aussi guéri. C'est la vérité. Namu Kristo anegalaka na ile confiance. Un chrétien, il a cette confiance. Et qu'on asema, il dit, mbele ami kutoka pa dunia. Avant de quitter ce monde. Il faut expérimenter guérison. Il faut que j'expérimente utunzo. Hakuna kile qui t'a empêché. Il n'y a rien à kuzuiza. Parce que ule alilaka ni Mungu. Parce que celui qui a promis. Hakuna kile qui t'a mushibiria. Il n'y a rien qui peut l'empêcher. C'est la foi qui est inébranlable. C'est la vérité. Inikweli. La foi parfaite. Imani kamilifu. 135. Et pure. Ikusafi. Aussi pure que l'amour. Voyez-vous. Safi sana sawa mapendo. Lorsque vous aimez quelqu'un. Wakati unampenda mtu. Et que vous avez de l'amour pour lui. Na unampenda. Votre mari ou votre femme. Bwana yako na bibi yako mzuri. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un vienne vous dire. Aina mafa mtu mwingine akwa kuambie. Que vous ne le faites pas. Ya kwamba awifanye. Awifanye. Parce que vous le faites. Savi lungu naifanya. Et vous le savez. Na unaijua. C'est la vérité. Ni kweli. Il est ma peine de tout qu'on a semé hapa. Cet amour dont nous parlons ici. Ya wena Mungu. Entre toi kama et Dieu. Lorsque vous regardez la semaine, lorsque vous regardez au courant de la semaine, on disait. C'est quelque chose que quelqu'un d'autre ne peut pas te donner. C'est toi moi, hein? Nous sommes nous ensemble. Il est ma relation, il est où qu'on a un amour. Des relations que vous avez. Mais ma relation intime. Ce sont des relations il y a au péché. Hakuna mtu anaweza kukutosha. Il y a personne qui peut. Hakuna mtu anaweza kukupatia. Il y a personne qui peut te donner. Hata kama mtu anakuja na kusimamia. Si quelqu'un veut. Anakuambia sema wewe uko mpagano sana. Que toi tu es trop pagan. Il ne peut pas t'enlever cet amour. Hata kutosha. Il ne peut pas t'enlever cet amour. Hata kutosha je. Comment est-ce qu'il peut t'enlever cet amour? C'est la vérité. Nikweli. C'est la vérité. Frère Branham anaendelea anasema. Frère Branham continue, il dit ceci. Maintenant, sasa, si je vous demande, kama nikimiomba, comment pouvez-vous prouver que vous le faites? Namuna kanuwezi kuhakikisha sema utaifanya. Oh, oh, je le prouve. Niko na yakikisha. Par la manière dont je vis vis-à-vis de lui. Munamuna ile niko naishi mbele yake. Mungu abote mbariki. Que Dieu vous bénisse. Niko sema mapendo iko prouvable. C'est-à-dire, ah. Mapendo unaweza kuyahakikisha kuionesha. Mungu apate kubariki. Je vous bénisse. Saka unaweza kuyahakikisha na kuionesha. Tu peux le prouver. Kupitia namna yako ya kuishi. Par ta façon de vivre. Unaweza kuprouver ça unapenda Mungu. Tu peux prouver que tu aimes Dieu. Hapana wewe unaishi. Pas toi qui vis. Roho yako yenye, roho yako. Ton cœur toi-même là. Uko incapable de convaincre. Roho yako. Incapable de kuyahakikisha. Roho yako unakuambia kusema kwa mpagano. Ton cœur te condamne que tu. Comment unaweza kuprouver le mapendo mbele ya Mungu? Comment peux-tu prouver cet amour devant Dieu? Comment? Namna gani? Uko incapable de convaincre roho yako. Tu es incapable d'abord de convaincre ton cœur. Pale uja kuikala là où tu es assis. Uko wewe mwenyewe unaikala unasema. Même tu roho yako unakwambia kusema. Ton cœur là te condamne. Wewe uko tumpagana. Non, toi. Roho yako. Païen. Ton cœur. Pa wewe peke hapana mtu. Seul, là il n'y a personne. Utamconvaincre Mungu. Comment peux-tu alors convaincre Dieu? C'est impossible. Abiwezekane. C'est la vérité. Hii ni kweli. Utamconvaincre Mungu. Comment peux-tu convaincre Dieu? Je l'éprouve par la manière dont je vis vis-à-vis de lui. Voyez-vous, je suis une épouse fidèle et honnête. Niku muke wa wa qui ont fait longtemps au mariage. Elle est au mariage. Mais c'est ce que j'ai fait là. Ce n'est pas de la manière dont une femme mariée doit vivre. Mais écoute, il sait que ce mari, il est déjà offensé beaucoup de fois. Malgré qu'on vit, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Ça n'existe pas. C'est la vérité. Nikweli. Je suis une épouse fidèle et honnête. Mwanamke mwaminifu na wawaki. Je suis un mari loyal et honnête. Mwenye kuheshimia sheria na wawaki. Et c'est la preuve que na ile kuna hakikisha j'aime ma femme. Mimi nampenda mke wangu. J'aime mon mari. Napenda bwana yangu. Voyez-vous? Munaona? Votre vie. Maisha yako ile. Prouve ce que vous êtes. Unahakikisha kile uko. Iko naonesha kile uko. Ça prouve ce que tu es. La vie que tu mènes. Tu es une femme vraiment outrageuse. Outrageuse. Ta vie là d'insolence. Ça prouve ce que tu es. C'est la vérité. Nikweli. Maisha yako ile ya kukatana bitambi. Ta vie de réplique. Ça prouve ce que tu es. Ta vie là de médisance. Ça prouve ce que tu es. Ta vie de mensonge. Tu mens. Dans ton cœur là tu as la paix. Ça prouve ce que tu es. Même si les gens ne savent pas que c'est toi qui es manigancé, tu n'as pas confiance en toi-même d'abord. Tu vas tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper ta conscience. C'est la vérité. Nikweli. Tu ne peux pas kudanganya zamiri yako. Voyez-vous? Munaona? Votre vie prouve ce que vous êtes. Maisha yako iko naonesha ile. C'est pareil pour le christianisme. Je vis le biko na bu Christu. Voyez-vous? Munaona? Votre foi. Imani yako. Vous avez confiance l'un dans l'autre. Cela est pur. Il est kusafi. C'est quelque chose de réel. Kitu kia bia kweli. Que vous ne pouvez pas montrer à quelqu'un d'autre. Il a wezi kuonesha kimtu. Pourtant, japo, vous l'avez. Japo, et vos actes le prouvent. Na matendo yako ndio ikunahakikisha. Matendo yako kunahakikisha. Les actes le prouvent. Mubu Kristu na mwani paka vile. Dans la chrétienté, il en est. Vile we wiko. Ce que tu es. Kufuatana na bile uko natenda. Selon ce que tu fais. Par rapport à ine no kunashikia. Par rapport à la parole que tu dis. Bile biko na onesha ma relation uko nayo na Mungu. C'est ce qui prouve les relations que tu as. Unaweza kuwa membre mkanisa. Mais pas we peke pale. Unajua sema we na Mungu hamuna ma relation. C'est que toi et Dieu vous n'avez pas de bonnes relations. Il a une chose à quoi. Ce n'est pas nous qui allons te le dire. Ah, non, le choc galané, ben, ce n'est pas quoi. Celui qui est à côté de toi qui va te dire. Témoin. Et c'est ton cœur seul qui est témoin. Roya Koko témoin. Ton cœur est témoin. C'est la vérité. Nikweli. 138. Mia moja makumi tatu na munani. Et quand vous avez une foi pure. Wakati ule kuna imani safi. Et sans mélange. Bila muchango. Pareil à l'amour que vous avez pour votre compagnon. Ivyo ivyo na mapendo ile kuna hiyo mbele ya jirani. Alors vous l'éprouvez. Pale njo na yakikisha. Par la façon dont vous agissez. Pitia namna ile kuna tenda. Vous ne vous plaignez plus. Awezi kulialia tena. Car vous savez que c'est accompli. Njo na yua sema inatimilika. Et vous allez simplement de l'avant. Utasonga tu mbele. Peu importe à quoi ressemble la chose. Ou c'est que quiconque dit. Wala kile mtu mwingine anaweza kusema. Vous savez ce qui est arrivé. Unayua ile inashofika. Vous savez que c'est fini. Unayua sa kuna malizika. Tout autant que vous savez que vous aimez votre mari. Paka vile unayua sema unampenda bwana yako. Autant que vous savez que vous aimez votre femme. Na ndio vile unayua tena sa unampenda bibi yako. Vous voyez. Unaona. L'amour et la foi. Mapendo na imani. Doivent aller ensemble. Inapashi kutembea pamoja. Ils sont parrains. Beko banduku. Ils s'aiment. Banapendana. L'amour produit la foi. Mapendo kunatoa imani. Kunaleta imani. L'amour produit c'est pour la foi. Depuis les jours, c'est pourquoi depuis ces jours ma relation il est tout nayo na Mungu. Les relations que nous avons il est kona lamusha matumaini kwetu kwa Mungu. Qui suscite notre espérance en Dieu, confiance il en Dieu. Yenye pa mapendo. Nous sommes basés sur l'amour. Jésus, Bible qu'on a sema. La Bible dit. Je pense que ni mu 1 Jean. Na wazia ni mu Yohane wa kwanza. Tusome andiko. Lisons l'écriture. 1 Jean. Yohane wa kwanza Biblia nasema hivi. La Bible dit ceci. 1 Jean, Yohane chapitre 1. Yohane wa kwanza, sura ya kwanza. Verset 6, la Bible dit ceci. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, kama tukisema kwamba tuko mushirika pamoja naye, et que nous marchons dans les ténèbres, na kama tuko natembea katika magiza, nous mentons, pale tunalongofia, et nous ne pratiquons pas la vérité, na pale hatutende waki ukweli. Mais si nous marchons dans la lumière, basi kama tukitembea katika nuru, comme il est lui-même dans la lumière, kama vile mwenye Mungu ni nuru, nous sommes mutuellement en communion, manake pale tuko naye katika mapatano, et le sang de Jésus son fils, damu ya Yesu mwana wake, nous purifie de tout péché, inatutakasa kwa mazambi zote. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Kama tunasema tunapenda Mungu. Si nous disons que nous aimons Dieu. Tuko na Mungu. Nous avons Dieu. Mais tuko naishi mufujo. Mais nous vivons dans les troubles. Tuko babongo. Nous sommes des menteurs. C'est la vérité. Ni kweli. Ni vitu vya bongo. Ce sont des mensonges. Mu mambo ya Mungu munegalaka makanuni. Dans la parole de Dieu, il y a des préceptes, il y a des conditions. C'est la vérité. Ni kweli. Awezi kuna ishi mufujo muipokrisi. Vivre munafiki mufujo. Mais uko na wajia ya kusema. Mais tu prétends que utaweza kupata imani yenye kwa na mshimamo. Tu peux recevoir la foi. Non. C'est l'amour qui crée la foi. Ni mapendo ndio kunaumba imani. Leo imani ya watu ba mingi na mshimamo. Aujourd'hui la foi de beaucoup de gens. Ni juu watu wako naishi muipokrisi. C'est parce qu'ils vivent munafiki. C'est ça l'âge de la Odyssée. Jo kizazi ya Laodikia. Kizazi ya hypocrite. Kizazi ya banafiki. Mapendo frère. L'amour. Mapendo dada. L'amour ma sœur. Frère. Paka vile tulisema hapa dernière mu Congo. C'est comme on a dit il y a pas longtemps. Kama mtu unampenda. Lorsque tu aimes une personne. Hata kama unamfanishia kitu kibaya. Même si tu lui causes du tort. Hautabakia msalama. Tu ne peux pas rester en paix. Utafanya nguvu uende mkaaranger. Tu feras tout ton effort pour aller arranger, réparer. Utaenda kuaranger. Tu vas aller réparer. C'est la vérité. Ni kweli. Parce qu'on a dû accuser ma relation yenu itaribika. Parce que tu sais que vos relations risquent na wa upende ma relation yenu itaribika. Tu ne veux pas que vos relations puissent se rompre. Mais mutoto wa Mungu frère. Un enfant de Dieu mon frère. Ashiwezi kuitikia kwa ma relation mubaya na Mungu. Il ne pouvait pas accepter qu'il soit dans des mauvaises relations. Pale nitagonjwa. Lorsque je tomberai malade. Tamukimbilia nani? À qui est-ce que je vais accourir? Pale mambo itanibamba. Lorsque j'aurai des difficultés. Voilà les raisonnements des chrétiens. Tamukimbilia nani? À qui est-ce que je peux accourir? Pale batanitosha kazi. Lorsque on va me démettre des fonctions. Tamukimbilia nani? Licencié. À qui est-ce que wakati je peux accourir? Wakati mtoto yangu atagonja. Lorsque mon enfant tombera malade. Tamukimbilia nani? À qui est-ce que wakati je peux accourir? Wakati niko nachunga makonflit na Mungu. Lorsque je garde en compte des conflits entre Dieu. Christo achoweza kivi. Un chrétien ne peut pas garder des conflits avec Dieu. Siwezi kuchunga manzambi. Peut pas garder des péchés. C'est pourquoi je dis à Proverbe chapitre 28 verset 13 Biblia kuna sema. Proverbe 28 13. C'est lui qui crache ses transgressions. Mula na futika mazambi zake. Ne prospère point. Awezi kuendelea. Ni kusema njia yake kufermer. C'est-à-dire sa voie est fermée. Dieu a kuchunga manzambi non confessé. Pour avoir gardé le péché ya sipo kukiri, kutubu. Comment unaweza kupenda Mungu mimi huko nachunga mazambi bila kuitubu? Comment peux-tu aimer Dieu que tu n'as pas confiance en lui? C'est parce que tu n'as pas confiance en lui, tu ne l'espères pas. Kama ulikuwa na imani, si tu avais la foi en lui, ulianza kuishi maisha ya kunyoloka, tu vivais une vie correcte. Hakuna kitu kilipaswa kushibiria. Il n'y a rien qui pouvait t'empêcher. Ikuwe mwakati ya mateso, que ça soit dans ikuwe mwakati ya furaha, que ça soit dans la joie. Muroho yako mule, dans ton cœur. Hata kama unafanya prière, même si tu pries, ni prière moya, c'est une prière. Yenye uko na yami. À laquelle tu as confiance, tu crois en elle. Un enfant de Dieu, il a la foi dans sa prière. Il croit na en sa prière et il dit Mungu atanijibu. Certes, Dieu va me répondre, il va exaucer. Na mule muro yako mule, et au fin fond de ton cœur, kuyaka shaka taka loko. Il n'y aura aucun doute. Akata kuyamu. Il n'y aura pas de doute. Tu vois, si tu as déjà fait une prière pareille, tu écoutes ce que les autres n'écoutent pas. C'est la vérité. Ni kweli. La prière qui est fondée sur l'espérance. Lorsque quelqu'un prie, dans son cœur, il a l'assurance que ce que je viens de prier, Dieu va exaucer tel que je viens de le prier. C'est la vérité. Nikweli. Que Dieu vous bénisse. Je me rappelle un jour, j'étais au Bas Congo. Ça, c'est mon témoignage à moi. Nous étions en guerre dans un village qu'on appelle Kasangulu. Nous étions allés là en guerre il y a longtemps. Nous étions la deuxième compagnie. On avait fait longtemps, on avait perdu des éléments là-bas. Vous savez, dans beaucoup de sociétés, il ne manque pas d'injustice. On a demandé que les renforts puissent rentrer à Kinshasa. Il y avait encore autre chose à faire. Mais là. Comme on avait fait longtemps au front, on avait besoin de rentrer à Kinshasa. Mais, à la Kini, c'est lui qui était là comme commandant bataillon qui régnait là-bas. Comme ils voulaient maintenant faire sortir la compagnie pour rentrer à Kinshasa. Ah, il y avait la compagnie de beaucoup de gens qui étaient de son village. Il a préféré que la première compagnie puisse rentrer pour s'occuper de sa famille. Nous qui avons fait longtemps là-bas, qu'on reste encore au front. Nous avons appris seulement les rassemblements. J'ai demandé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on vous appelle? J'avais un ami, il m'a dit, on appelle que la première compagnie, qu'il prenne le véhicule et qu'il rentre à Kinshasa. Mais c'est tcha! J'ai dit, comment est-ce qu'ils vont faire ça? Nous avons fait longtemps ici. S'il y a des gens qui devaient rentrer à Kinshasa, c'est nous qui avons fait longtemps ici. Comment il va changer les choses? Oh, la première compagnie s'est rassemblée là-bas. Je vais prier Dieu. C'est que je vous dis, c'est la vérité. Je vais prier Dieu. Que je dise à Dieu ceci. Va dire au commandant bataillon qu'il change de décision. Lorsque je disais, j'étais déjà sous l'onction. Notre Dieu est terrible. Que Dieu vous bénisse. Qu'il entre dans ce commandant bataillon. Qu'il lui dise que tu as fait l'injustice. Ceux qui doivent rentrer à Kinshasa. Qu'ils prennent encore des décisions. Malgré la première compagnie, ils ont déjà monté le véhicule. On les descend du véhicule et que nous puissions monter. Mon ami là m'a dit, même si tu pries, je sais que tu es chrétien. Ce que tu dis là, notre Dieu fait ce qui est impossible, ça devient possible. C'est la vérité. Je lui ai dit, attends-moi. Je me suis écarté. Je suis allé loin. Je n'avais pas prié beaucoup de monde. J'étais sous l'onction. Lorsque quelqu'un est sous l'onction, il croit en sa prière. Bwana. Va dire au commandant compagnie. Il nous a fait l'injustice. Je n'avais pas prié. J'avais l'assurance. Il n'y avait pas moyen de me les ravir. Qu'il change de décision. C'est nous qui devons rentrer à Kinshasa. Que les autres puissent rester ici. Nous sommes allés nous asseoir. J'ai dit à ces messieurs, j'ai déjà prié, attendons. Ah, c'est sympa. Bonjour, attendons. On a dit, première compagnie. Allez, montez les véhicules. Ils ont commencé à monter l'un après l'autre. Ils me disent, les voilà, ils commencent à se monter les véhicules. J'ai dit, ne sois pas surpris. Attends. Nous avons Dieu. Dieu qui ne change jamais. C'est Dieu en qui nous croyons. C'est un Dieu vrai. C'est la vérité. Nikweli. Kama imani. Si la foi. Yenye kuungana na kutumainiana. Attaché à l'espoir. Iramuka ndani ya mtu. S'élève dans une na ule mtu anaanza kufanya. Cet homme la commence. Asidutake prière yake. Il ne doute pas à sa prière. Asidutake. Il ne peut pas douter à sa prière. Amuta kuyataka kimvuri kadute. Il n'y aura même pas d'ordre. Nikusema unaanza kuona prière yako. Tu commences à voir ta prière. Inakuwa ordre. Ça commence à être un ordre. Agizo. Sommes-nous ensemble? Tu commences à voir que ta prière devient énorme. Ils sont montés, il y avait deux véhicules. Si, ils sont montés là dans les véhicules. On était déjà à 22h. Commandant bataillon n'a pas encore donné l'ordre. Au début là, ils étaient vraiment courageux de monter. À un certain moment, on a attendu, ils étaient toujours à bord du véhicule. Une heure s'est passée, ils étaient là sans quitter. Deux heures, c'était presque vers une heure du matin. Une heure ou à deux heures du matin. Si j'ai une bonne mémoire. Alors, on commençait même à somnoler. Mon ami là m'a dit, ces gens du premier compagnie, ils sont encore dans les véhicules. Je lui ai dit, je t'ai dit que je suis allé prier. Le Dieu à qui je suis allé prier, il va faire tel que je lui ai dit. C'est comme si je dictais à Dieu. Non. Lorsqu'une personne a confiance, il n'aura pas de doute. Tu n'auras pas de doute. Il est imani à ville. Cette foi, c'est la foi de la Bible. Tu n'auras pas de doute. Tu poses la question, ça va se faire comment? Ça se fera tel que j'ai prié. C'est la vérité. Nikweli. Tu n'as pas commandé bataillon, toi, jeep, le commandant bataillon est passé avec sa jeep, il est passé. J'ai dit à ces messieurs, si commandant bataillon retourne, il va changer de décision. Il n'a pas cru en moi. On a commencé même à somnoler. Mais il ne partait toujours pas. Dès que tu pries, Dieu va tout freiner. Donc, notre Dieu, la Bible dit, toutes choses bintu biot, concourent pour le bien de ce qui c'est la vérité. Le commandant bataillon, il a traîné, il est rentré à 2h, je pense. On a sifflé encore de nouveau. Deuxième compagnie foraine. Allez, deuxième compagnie, venez. Cet homme-là, il était surpris. On nous appelle aussi pour nous rassembler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, prends tes effets, nous rentrons à Kinshasa. C'est comme si de la blague. Nous sommes allés nous rassembler. Commandant, vous tous de la première compagnie, allez descendre un à un. Notre Dieu est terrible. Ils ont commencé à descendre. Je savais que Dieu m'a déjà exaucé. Ils sont tous descendus. Nous sommes tous montés. Et nous sommes rentrés à Kinshasa. L'amour, ça crée la foi. Ça crée la foi. Amour crée la foi. Si les gens aujourd'hui n'ont pas la foi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la vérité. Nikweli. Parce qu'avant l'événement, nous étions à un endroit, à Kibomango. Oh, les Rwandais se sont révoltés. Il faut qu'on aille les battre. On a commencé maintenant à faire des gris-gris. J'avais des frères, des amis qui étaient aussi frères. Nous avons dit, s'il faut mourir, on fera mourir. Moi, nous, on ne va pas faire des gris-gris. La Bible dit, celui qui m'honore, moi, Dieu, je vais aussi l'honorer. C'est la vérité. Nikweli. Nous avons refusé qu'on ne puisse pas nous inciser pour avoir des protections, pour aller s'affronter. Nous avons refusé ce gris-gris. Notre espérance, nous l'avions placée en Dieu. C'est la vérité. Nikweli. C'est pourquoi la véritable foi, Si réellement tu as l'amour envers Dieu, ma prière, tu as fait. Toutes les prières que tu fais, il y a yulu yulu. Ça va s'arrêter. Même si on te dit que si tu as un problème, venez, on prie pour toi. Toi, tu sais que mon problème ici est fini. C'est fini, j'ai solution. Parce que c'est Dieu en qui j'espère. C'est un Dieu qui n'abandonne pas les siens. Même la reine de sa peste. Frère Branham donne des commentaires. Elle avait perdu un mari. Elle était restée veuve. En restant veuve, elle avait refusé de s'essuyer. Que Dieu vous bénisse. Elle avait refusé de mener une vie vaine. Malgré ma tête, malgré la souffrance qu'elle avait endurée, magumu, la famille, ma mambo, ma circonstance, il est wakati. Les circonstances. Frère Branham dit. Elle, dans sa pensée, anasema, elle disait. Iko muzuri ni kufwe, autant mieux de mourir. Mais de l'autre côté, je vais rencontrer Dieu. Mungu que Dieu vous bénisse. Mais wakati njala inaingia. lorsque la famine est entrée, aujourd'hui nous avons beaucoup de soeurs et beaucoup de frères à cause de la famine. Il va même voler au travail à cause de la famine. Il va se prostituer à cause de la famine. Il va même mentir. Mais ce n'est pas ce que c'est. Pourquoi on a mangé la Bible? C'est pourquoi on l'a consigné dans la Bible. Les gens qui ont honoré leur nom, ce sont des mémoriaux. Et il est resté dans cet état là. Et ne faisait que prier Dieu. Seigneur, Malgré la famine de cette époque, c'est la vérité. Qu'il se souvienne aussi de toi aujourd'hui. Notre Dieu se souvient de Jean. Il se souvient de cette femme. La vie de cette femme était mouatari. Il était en danger. Il restait peu de jours qui meurt, elle et son fils. Comme Dieu a les livres de souvenirs, tu peux faire quelque chose à ou à l'église. Toi, tu crois que c'est un petit problème. Tu ne vas pas quitter ce monde ici. Dieu a les livres de souvenirs. Il a un livre là où il écrit ses souvenirs. Tout ce que tu fais dans ton cœur, sachez qu'il y a un livre dans lequel il écrit. Avant de quitter ce monde, certes, il faudrait qu'il le pousse ce souvenir de toi. Et avant que tu quittes le monde, Dieu a regardé dans les livres de souvenirs. Il est vrai que ces gens-là étaient déjà mortés. Mais là, ça arrête. Je vois une femme. Cette femme, dans cet âge, là où les femmes portent des collants, elle a refusé. Dans cet âge, là où les femmes portent des vêtements qui les salissent, dans cet âge, des femmes qui mentent comme Satan, mais c'est là qu'il a refusé. Dans cet âge, des prostituées, des escrocs, dans cet âge, la pression du monde, elle est tellement forte, mais elle a refusé de s'enlever. Dans les livres de souvenirs, on a regardé, qu'est-ce qu'on a déjà fait pour elle? Élie, dorénavant, va à Sarepta. J'ai déjà ordonné à une femme qui va te nourrir là. Notre Dieu sait créer des circonstances. Élie est parti à Sarepta. Arrivé là-bas, elle a trouvé cette femme. Elle allait ramasser des bois. Elle allait préparer la nourriture. Il n'y avait plus Tumaini. Frère, Duku. Il y a wakati hakuna tena espoir. À ce moment-là, il n'y avait plus d'espoir. Hakuna tena kwa kuangaliria. Il n'y avait plus où regarder. Wakati Mungu anajitukuza kwa watoto yake. C'est à ce moment-là que Dieu s'est glorifié à ses hakuna enfants. Tena espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Hakukwe tena kitumaini. Il n'y avait plus d'espérance. Ule mwanamke, Eli anafika. Eli est arrivé devant cette femme. Mwanamke, toi femme, kanilete mai nikunywe. Apporte-moi de l'eau. Il y a une période elle, mvula il faut 3 ans et demi. C'était une période où la pluie a fait 3 ans et demi ça tombait. Mais où le mwanamke banenda kumulomba mai. Cette femme là, on est allé lui demander de l'eau à boire. Période ya crise. La période de sécheresse. Comment il quoi repasser au fani? Si c'était toi, qu'est-ce que tu devais faire? Moi je sais pas, oui papa moi. Tu devais dire, mais c'est papa ici. Ananiona akusema niko mtu yake. Il me considère comme son esclave quoi. Il y a d'autres personnes qui font passer la bénédiction par manque de connaître Dieu. C'est la vérité. Nikweli, donne-moi de l'eau à boire. Biblia qu'on a sema. La Bible dit. Ule mwanamke malgré les situations malgré la sécheresse dans laquelle elle se trouvait. Arienda mbio kumpatia mai. Elle est allée promptement lui donner de l'eau. Mutoto wa Mungu ashikabulake paka kona bintu. Un enfant de Dieu ne donne pas seulement lorsqu'il a en abondance. Oh, il faut pas comme mine nesha monta moye vifulani. Parce que j'ai un montant. Jo mine anza kusaidia ba frère. Pour commencer maintenant à aider les frères. Ni bia bongo. C'est faux. Que Dieu vous bénisse. Mutoto wa Mungu. Un enfant de Dieu. Anatumikiaka Mungu na paka ile konayo. Il sert Dieu avec ce qu'il a. Njoo ile anatumikiaka na Mungu. Voilà la chose avec laquelle il va se servir. C'est la vérité. Na Mungu ile konayo ile. Ce que tu as. C'est ça qui est important pour toi. Usichunge paka inakuwa ya mingi hapana. Paka ile kiloko konayo. Mungu wete kona kitabu kia ukumbusho. Dieu, il a les livres de souvenirs. Il a les livres de souvenirs. Il a donné à Élie de l'eau à boire. Après lui avoir donné de l'eau, Élie lui a dit, donne-moi un gâteau que je mange. La Bible dit que c'était la fin de cette femme-là. Il n'y avait plus un autre endroit où il faut espérer. Il a dit au serviteur de Dieu, j'ai un peu seulement de farine, un peu d'huile pour qu'on mange avec mon enfant, qu'on mange et qu'on meure. C'est-à-dire, dans la maison de cette femme, nous avons un Mungu, frère. Nous avons un Dieu, Mungu, dada. Un frère et un soeur. Nous avons un Dieu qui change, la mort devient la vie. Anaweza kuchanger. Il peut changer. Lufu lulikuwa lusha kuingia. Mais on a changé situation na kuya bushima. Change la situation. Ata uko na tension. Ata uko na cancer. Ata uko na n'importe quelle situation. Notre Dieu est capable de changer. Tu as kuna uwezo wa kubadilisha. C'est la vérité. Ni kweli. Eli anamwambia. Eli a dit à cette femme. Ndio mimi nashikia. Oui, j'ai compris. Mais on fanishie mimi. Fais d'abord pour moi un gâteau. Cette femme n'a pas hésité. C'est pourquoi vous apprenez la Bible. Exercez l'hospitalité. Mutumie kupokea bakeni. En l'exerçant. Mukutumia mukupokea bakeni. Quelques-uns ont logé des anges. Bamoja baripokea kama malaika bila kujua. Bengine baripokelea kama malaika bila kujua. Quelques-uns ont reçu, ont logé les anges sans le savoir. C'est la vérité. Ni kweli. Akamupatia chakula. Il a donné à manger à Eli. Eli akasema ainsi dit le Seigneur. Eli anasema hivi Bwana Mungu anasema. Mungu apate kubariki. Que Dieu bénisse. Frère, Duku, dada. Ma soeur, Mungu ule anekalaka na kitabu kia souvenir. Le Dieu qui a les livres de souvenirs. Ata kama munyumba yako muko lufu. Même si dans ta maison il y a la mort. Sur base ile mapendo wewe kunayo. Fuatana na ile. Leo yo kusema. Paka vile sema kwa ule mwanamke. Comme on avait dit à cette Leo femme. Leo na yoko paka ainsi dit le Seigneur. Aujourd'hui, il y a encore les ainsi dit le Seigneur dans ta vie. C'est la vérité. Nikoeli. Kuko paka ainsi dit le Seigneur. Il y a toujours hivi Bwana Mungu anasema. Kama Mungu anasema. Si Dieu dit. Nani atabisha? Qui va encore s'opposer? Ata juu ya dhambi kunayo. Même à cause du péché que tu as. Kama Mungu anaprononcer ainsi dit si le Dieu Seigneur. Si Dieu dit, hivi Bwana Mungu anasema aujourd'hui. Nani atabisha? Qui va s'opposer? Nani atabisha? Qui va s'opposer? Kama Mungu anaprononcer leo ainsi dit le Seigneur. Si Dieu prononce hivi Bwana Mungu anasema, dans la situation là où tu es, nani atabisha? Qui va s'opposer? Angalia wakati ya Biblia. Regardez du temps de la Bible. Ulikuwa mtu mmoja ni Pierre. Il y avait une personne, c'était Pierre. Unajua histoire ya Pierre? Vous connaissez c'est l'histoire de Pierre. Un jour, ils ont péché avec ses amis. Bana loba we! Ils ont péché pendant longtemps, toute la nuit, ils n'ont rien capturé comme poisson. Jésus a surgi devant eux. Il a dit, je vais prêcher. Apprêtez-moi d'abord votre barque. Voilà notre barque. Jésus est monté dans sa barque, il est allé prêcher. Il a prêché, il a prêché. Après avoir prêché, Jésus ne peut pas utiliser quelque chose dans ta vie et qu'il manque de te payer. Non, il n'a jamais fait ça. Jésus ne fait jamais ça. Sache que tout ce que tu vas lui prêter, certes, il va te payer. C'est comme ça qu'il a dit. Ça va, j'ai terminé à prêcher Pierre. Bon. Ça. Maintenant, prenez ta barque. Allez maintenant pêcher. Oh Seigneur. Nous avons pêché toute la nuit. Sans rien prendre. Angaria dada. Regarde mon frère. Unaweza kuosha kuzunguluka mwa hospitali yote. Tu peux avoir sillonné tous les hôpitaux. Unapesha ukambovu tabernacle kunini ku Jekamin. Tu es allé même à l'hôpital Jekamin. Abiendeke. Ça n'a pas été. Kwa Merod. À l'hôpital Merod. Abiendeke. Ça n'a pas été. Kwa Polin. Chez Polin. Abiendeke. Ça n'a pas été. Kulikasi. Alikasi. Abiendeke. Ça n'a pas été. Kulumbashi. Sans solution. Abiendeke. Pas de solution. Jésus a rimwambia Pierre. Jésus a dit à Pierre. Asema mwe mutupe. Allez jeter vos filets. Même là où ça n'a pas été. Pierre a dit. Kufuatana na masauti yako. Selon ta parole. Cette fois-ci, nous allons jeter les filets. Que Dieu vous bénisse. Même si la situation t'a compliqué, tire ta parole. Je vais encore jeter. C'est la vérité. Même si tu as péché, on a pima ku société à bien d'être. On a pima ou quoi bien d'être. On a pima ku hôpital à bien d'être. On a pima ou ma problème à bien d'être. Mais Pierre a dit ça, sur ta parole, je vais encore jeter. La Bible dit. Lorsqu'ils ont jeté les filets, ils ont commencé à tirer les filets. Là où il n'y avait pas de poissons, mais il y a beaucoup de poissons. Dieu crée lorsqu'il n'y a rien. Là où les choses sont impossibles, nous avons un Dieu qui fait que ça devient possible. Notre Dieu, c'est un Dieu vrai. Il n'y a aucune maladie qui est impossible. Il n'y a aucun problème qui est possible. Je vais encore jeter. C'est pourquoi même ce matin, à cause de la parole, peu importe ta situation, notre Dieu est toujours le même Dieu. Inclinons nos têtes. Sur ta parole, je vais jeter encore les filets. C'est la vérité. Nikoeli. Tu es allé ça et là, ça n'a pas été. Mais Jésus te dit, tupa. Jette les filets. Prenez ce que tu as là, jette-les. Selon, conformément à la parole que tu as entendue, aujourd'hui ça va aller. C'est la vérité. Nikoeli. S'il y a un frère ou une sœur, qui est allé ça et là, ça n'a pas été. Mais il a entendu la parole de Dieu. Il croit. Anasema sir sa parole. Il dit, paneno lako. Je vais encore jeter. Tatupa makila. Eko na mambo ataya compliqué Dieu. Il a n'importe quelle difficulté compliquée. Na eko na besoin Mungu amkumbuke leo. Et il a besoin que Dieu se souvienne de lui aujourd'hui. Ataweza kushimama. Il peut s'élever. Parfois je parle eko. Là où il est. Sir sa parole. Que ça soit la maladie, que ça soit n'importe quelle difficulté, que ça soit n'importe quelle difficulté, tu as sionné ça et là. Pierre a dit, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais encore jeter. C'est la vérité. C'est sur sa parole. Comme si tu as une difficulté, comme si tu as un problème, tu n'as pas qu'à murmurer. Mirmirle, oui, c'est ma tumouroyak. Oui, c'est ma mouroyak. Mirmirle. Asema mimi shakupima huku. J'ai déjà essayé ça et là. Mimi napima huku. J'ai essayé ça et là. Mimi napima huku. J'ai essayé partout. Abiendeke. Ça n'a pas été. Mais kupitia neno yako. Mais sur ta parole. Mina kuamini. Je crois en toi. Uko Mungu. Tu es un Dieu. Au change Jacques. Tu ne changes jamais. Léo frère. Aujourd'hui nous. Léo dada. Aujourd'hui ma sœur. Mungu ataisha situation yako. Dieu va donner solution à ton problème. Aujourd'hui, il va donner solution à ta maladie. Aujourd'hui, il va donner solution à ta difficulté. Problème, il y a Zambi. Peu importe, même si un problème péché. Na kuangaisha. Le péché t'a tourmenté. Les choses ne marchent pas. Unasikia imaubiri. Tu as entendu cette communication. Tu as un peu de persévérance. Un autre jour. Aujourd'hui, dis ta parole. Je vais encore jeter. C'est la vérité. Nikoeli. Notre Dieu est encore le même. Sawa sawa. Même ce matin. Ni paka ule Mungu alimtembelea kaule mwanamke. C'est le même Dieu qui a visité. Ni paka ule Mungu alimtembelea ka femme de Sarepta. C'est le même Dieu qui a visité cette femme. Ni paka ule Mungu tuko na hubiri leo. C'est le même Dieu qu'on prêche aujourd'hui. Mambo ni kumtumainia. L'essentiel est de croire. Ni Mungu ashilandeke. C'est Dieu qui nous mange. Ashina mtu jua kulande. Ashina mtoto wa mtu. Tu aseme kitu kila kitafika. Yeye alisema mneno yake. Jesus le Éternel votre Dieu qui vous guérit de toutes maladies. C'est la vérité. Rien n'est impossible à Dieu. Mambo yote konayo. Toutes difficultés que tu as. Wande ku mirmirer. Umwambie Mungu c'est vrai. Dites à Dieu ni kweli. Ninapita huko na huko. Je suis allé ça et là. Hapa Mungu acha kukuona. Mais na Dieu t'a vu. Mungu la kuona. Dieu te voit. Je te vois, Nduku. David, ma soeur. Anakuona. Il te voit. Anakuyona mungina yako. Il te connaît par ton nom. Mungu anakuona. Je te connais. Apana kuyana shaka. N'ai pas de doute. Apana kushakia. N'ai pas de doute. Mungu anakuona. Je te vois. Eko nakumbuka na njina yako. Il se souvient même de vraiment, ton nom. Vraiment, frère. Nduku. Mungu anakuona. Je te vois. Ni mambo kani umwambie. Quelle difficulté. Ni mambo kani umwambie. Dis-lui. Je tunatafuta kuomba. Ni mambo kani. Quelle difficulté. Umwambie Mungu. Dis à Dieu. Ata iko ya nguvu je. Au tatoka nayo. Mungu wetu ni mwaminifu. Ni Mungu asishindwe na mambo. C'est la vérité. Ni mambo kani. Quelle difficulté. Ni mambo kani frère. Quel est ton problème. Ni mambo kani da. Quel est ton problème. Amini ya kusema. Tuko na Mungu wa mashangaisho. Tuko na Mungu asishindwe ake. Niko na tafuta kulomba. Tuko yeshibo temu esprit ya maombi. Niko naanza kuomba. Mufalme na Mungu mkubwa. Mumbaji wa mbingu na dunia. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Niko na kuya na itaifa. Ni taifa yako. Ile ulinunua kudamu. Itikia Seigneur, kuacha wa malaika, kuacha utukufu, kuacha mbingu, kia kuya kufwa, kulipa bei ya nzara. Angalia mamaiko sana, magumu na mamambo mbalimba, yenye kuwa katikati ya batoto yako, ikuye magonjo, ikuye nzami, ikuye situasyo komplike, ikuye mamambo ile mamunganga bana shinda, ikuye mamambo ile mambo yote na shinda, franga ina shinda, serikali ina shinda. Mais wewe uko Mungu ule ushindage na mambo ya watoto yako. C'est pourquoi moi kati ya asubuhi niko na kulomba Seigneur. Mon jina ya Yesu Kristo. Kila pepo mchafu. Chaque démon. Pepo ya magonjo. Démon de maladie. Pepo ya susi. Démon de susi. Pepo ya nzambi. Démon du péché. Pepo ya mangaiko. Démon de tout. Niko na yamuru. Katika jina la Yesu Kristo. Ipate kutoka immédiatement. Niende kulia hili. Fashote barikuwa inquietude. Là où il y avait d'inquiétude. Papate kurudia salama. Fash barikuwa magonjo. Fash barikuwa uzuni. Fash barikuwa mateso. Fash barikuwa njala. Fash barikuwa dizete. Fash barikuwa bila vitu vyote vibaya Seigneur. Au nom de Jésus Christ. Nipate kuama na kulibere ikanisa. Tuko na besoin Seigneur. Ikanisa. Nipate kuya jengo yako. Mule bantu beko na kutumainia. Na bana wewe kifanze mikono yako Seigneur. Accent de Mufalme. Merci Seigneur. Mungu wa kumbingu. Le Dieu du ciel. Ubiote kuna tufanishia. Tout ce que tu fais pour nous. Ma gonjwa yote. Toute maladie. Ma problème yote. Tous les problèmes. Ma souci yote. Tous les soucis. Nzambi yote. Tous les péchés. Mungina Yesu Kristo. Au nom de Jésus Christ. Ipate kutoka. Il quitte. Il toque quoi d'embarras. Il quitte aller loin. Na kwenda mulia aride. Là il passe à ma gonjwa est compliqué. Toute maladie compliquée. Il y a fièvre typhoïde. Il y a tuberculose. Tuberculose. Il y a cancer. N'importe quelle maladie. Au nom de Jésus Christ. Il va te toka. Il quitte. Accent de Mufalme. Merci Seigneur. Tu n'as mis ni à kusema. Nous croyons que. On a touché qui a. Tu nous as exaucé. Bala wakukuye na imani. Là où il n'y avait pas de foi. Wapatia imani. Donne-leur la foi. Bala wakukuye na nguvu. Ceux qui n'avaient pas de force. Wapatia nguvu. Donne-leur la force. Bala wakukuye na salama. Ceux qui n'avaient pas de paix. Wapatia salama. Donne-leur la paix. Bala wakukuye na mangaiko. Wapatia kimya. Donne-leur la paix. Seigneur merci. Bwana asante. Kubwa demilo dofashia. Tout ce que tu as fait pour nous. Nous avons laissé ta conduite entre tes mains. Nous avons prié avec foi parce que nous te connaissons. Au nom précieux du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout pour rendre grâce à notre Dieu.